Minuit 2h. Une chose, celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît. Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Donc, c'est pas minuit 2h comme c'est prévu, mais donc minuit 3h. Et voilà, c'est petite rectification. Bien vu, Gérard. Donc, alors, bonsoir, Fildar, bonsoir, Manu, bonsoir, Anka, et bonsoir, Rigo. Bonsoir, Gérard. Salut, bon anniversaire, Gérard. Ça y est, c'est déjà fait, hein. Arrête un peu. Donc, ce soir, si j'ai pas 10 000 connectés pour le dernier débat de la saison et de l'année, peut-être, on sait pas ce qui va se produire pour la rentrée. Donc, s'il y a pas 10 000 connectés, ben, à la rentrée, ben, vous irez vous faire voir. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, pour ça, on va accueillir Toxicator. Ouais, oui. Ben, dis donc. T'as 101.9, hein, oui, parce que Manu, il a oublié de vous demander vos fréquences. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir GG. Salut à toi. Désintoxicator, Paris, 101.9. Ok, Amanda Délire, 27 ans de tour, la fréquence de tour, s'il te plaît, bonsoir. Bonsoir, c'est 102.8 la fréquence. Ok. Tabina. Tabita, s'il te plaît. Tabita, 26 ans de Paris, donc 101.9. Oui, t'habites à Fleury? Et Bidouf, elle roule. Bidouf, bonsoir. Bonsoir, Toulouse, fréquence. Troisième du nom, Toulouse, 102.5. 102.5. J'habite à Toulouse. Ouais, bah, on le sait, merci. Gérard, avant de continuer le débat, on a oublié de parler du sponsor. L'émission sponsorisée par Chocopip. Ah, ouais. N'importe quoi. Et c'est le passé, hein, c'est important. Il faut. Enfin, bon, bah voilà, donc les débats de ce, le débat de bonsoir, ce soir. Gérard, ça va? Tu vas bien? Bon anniversaire. Okay. En fait. Ta gueule, toi. Est-ce que, comment ça s'est passé cette semaine? Ta gueule. Comme d'hab. Voilà, donc alors le débat de ce soir, c'est milliardaire Gérard, et avant, la jet set. Avant de commencer le débat, je vais dire, ça attaque très fort. On est quand même 5 742. Wow, mais ouais. Combien? 5 000 742. Ah bah ça va. Et ça. La plupart des gens voulaient savoir pourquoi le débat se fait aujourd'hui et pas jeudi. Parce que le débat se fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des raisons personnelles. Donc je ne dirai pas le pourquoi de la chose. Tu pars dans les îles. Tu vas te faire désintoxiquer, c'est tout. Tabina, là, si tu commences à chauffer, ou Amanda à délire, si tu commences comme ça, tu vas pas rester longtemps sur le débat. Hein. C'est clair. Ouais, mais je préviens tout de suite les deux nanas qu'il y a. Hein. Donc, alors, première question. Un milliardaire peut-il faire de la radio ou chauffeur poids lourd? Bite d'ouf. Elle est bien, celle-là. Bite de ouf. Attends, bite de ouf. Troisième du nom. Quoi? Qui a fait cette question? C'est moi, ça, j'essaie. Oui. Qui est pas content des nanas? Ah oui, je la trouve géniale pour ça. Allez bien. Je vous préviens que si ça plaît pas à certaines, vous le dites, on prend d'autres personnes. Non, d'accord? C'est génial cette question. Alors, bite de ouf. Bah, tu sais, moi, c'est bien que tu me poses cette question parce que moi, je suis un putain de bourge qui rêve d'être pauvre. Comme dans les séries. Ouais. Et moi, c'est vrai que. Enfin, je peux tout me payer, moi. Mm-hmm. Donc, être animateur radio ou routier, pour moi, c'est la même chose. Hein. Mm-hmm. C'est deux choses que je pourrais tout à fait faire. C'est à ma portée. Mm-hmm. Et voilà. Ouais, ok. Tabina. Oui, Tabita, s'il te plaît. Ouais, Tabita. Oui, donc, moi-même, j'ai fait de la radio grâce à mon fric. J'étais sur une petite radio associative. Je ne ferai pas de pub, hein. Ça s'appelait si. Cran ton pied. Bah si, tu peux. Vas-y. Oui, ça s'appelait Cran ton pied. C'était. FM. Tu te fais retourner, toi. Voilà. Bon. Et alors? Donc un milliardaire, oui, peut faire de la radio, oui, je pense. Du tourner, ma ok. Un manque d'un délire. Moi, j'étais routier, hein, avant d'être connu. Mm-hmm. Donc oui, on peut être routier, y a pas de problème. D'accord. Je m'appelais pas encore un mandat. Ok. Rigo, oui. Oui, une très bonne question sur l'IRC de Destroy. Non, je te crois pas. Je t'assure, ça cartonne. Qui voulait un peu de clarté dans le débat. Il voulait savoir à partir de combien d'argent on dit que quelqu'un est milliardaire. Bah justement, on va en venir. En euros. On va poser des questions. On peut pas tout de suite dès la première dire. Mais combien... comme tu parles de milliardaire, autant mettre les points sur les i tout de suite. Ben combien d'argent qu'il peut posséder, ben ça dépend de ce qu'il a déjà sur devant lui. Hein. Des milliards, ça dépend du milliard. Hein. Ben ouais, s'il a plusieurs milliards, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Mmh. Ouais. Donc voilà. Ouais. Des intoxicateurs là. Ouais, ben écoute, effectivement, moi je pense que chez les routiers il y a des gens aisés parce que c'est quand même une profession qui draine des salaires quand même assez mirobolants, faut le dire. Mmh. pour le je pense avec... que pour faire futur milliardaire, tu fais une formation de routier, je pense que t'es sur la bonne voie, quoi, bien sûr. Ouais. Non, mais attends, parce que là, tu parlais de. Tu dis que les routiers sont aisés, comment ça? Dans quel sens? Bah, dans le sens financier, en fait, tu vois. Ah, ouais. Ah, bah, ouais, quand même, avec, attends, avec les salaires qu'ils touchent, hein. Sur les routiers. Ouais, mais attends, faut dire que les salaires qu'ils ont, bon, c'est vrai, tu ne mérites pas, ces salauds. Non, ils claquent tout dans des putes, enfin. Les salaires qu'ils ont, c'est trop. Non, mais même, là, tu m'as. De quoi, Bidouf? Non, moi je disais que les routiers, c'est Ricky et la belle vie, là, c'est Silver Spoon, c'est. Non, mais je pense que là. C'est de la façon, comme boulot, déjà, c'est de la merde à la base. Bah, c'est de la merde s'ils ont choisi ça, c'est que ça leur plaise, hein. Parce qu'ils n'avaient pas de diplôme. Bah, de toute manière, t'as pas besoin de quoi? C'est un peu de l'esbrouf quand même, c'est de la poudre aux yeux quand même, le métier de routier, faut le dire. Hein. Ouais, mais bon. Après, j'étais de feignasse, hein. Oh là. Qui c'est qui vient de dire ça? Vas-y, bah, dénonce, c'est qui vient de le dire? Une voix d'animal. Ça, c'est une nana. Alors, on en a que deux sur le. C'est bizarre, hein. Le plateau là. Ouais, mais je tout à l'heure, j'en virai une au hasard, ça va aller vite. Je crois que c'était Bidouf. Ah non. Non, c'est une voix de nana. Bidouf. Combien de. Donc la deuxième. Attends, et toi, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça y est, moi, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce que t'as répondu? De toute manière, j'ai répondu que le salaire qu'ils ont, les routiers peuvent pas. C'est vrai que c'est dur pour eux, c'est tout. Ouais. Bon, maintenant, devenir. On parle pas des routiers, on parle des milliardaires. Bah ouais, mais de toute manière, si un milliardaire veut être routier, c'est son problème. Hein. S'il veut pas faire de la radio, c'est son problème aussi. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il va se faire chier à faire routier s'il est déjà milliardaire? Bah ouais, mais de toute manière, peut-être pour continuer d'avoir du fric. Hein. C'est un métier intéressant en plus. Bah ouais. Ça fait découvrir du pays, on peut pas dire. Hein. Bah ouais, ça. Ouais. Moi, GG, toi, t'as fait routier dans un premier temps. Ouais. Maintenant, tu fais animateur radio. Est-ce que la prochaine étape, c'est milliardaire après la cure? Bah, je sais pas, on verra. Ouais, bon. Okay. On verra. De toute manière, qui c'est qui vous dit que je suis une cure? Personne? Non, mais en fait. Ah, mais on n'a pas dit ça, pas du tout. Bah non, bah si, c'est Tabita qui a dit ça tout à l'heure. Vous savez même pas pourquoi que je m'en vais. Attends, t'as le droit, si t'as mal au dos, tu vas faire une thalasso comme tout le monde. Hein, bon, bah alors. Il a mal au dos, il est alcoolique. Exactement. Bon, Tabata, ouais. Au revoir. Hop, allez, terminé. Ça t'apprendra. C'est rare ce que tu disais là, sur les alcooliques, les milliardaires routiers. Mmh. Parce que moi, je trouve le triangle de Roquencourt magnifique. Hein. Mmh. Même si on a de l'argent, on peut aller voir le triangle de Roquencourt. Roquencourt. Il y a de la thune là-bas. Bah, ça m'étonnerait parce que c'est bouché constamment. Alors. Je te suce bien la bite au début, après je t'insulte. Bon, alors toi, tu dégages. Au revoir, bite de ouf. Bite de ouf. Bite de ouf, tu lui dis au revoir. Hop. C'est une technique de débat, ça. Voilà, il y en a plus que deux. Qui... Bah, ça commence déjà pas mal. Réglé. T'inquiète. Alors, j'en ai un, ouais. J'en avais un d'avant, j'avais prévu que tu virerais tout le monde. On a Michel Pousnareff. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Jean. Salut, Michel. Dis tout, Michel. T'habites où? Paris. 101.9. Bon, Michel. Alors, la deuxième, t'as entendu la première ou pas? Pas du tout, mais c'est pas grave. Si, la première. Si, j'ai entendu, ouais. Bon, alors, tu veux répondre avant que je passe la parole pour le site, l'Internet? Comment? Ouais, non, vas-y, fais l'Internet. Bon, alors, tu réfléchis, tu réponds après à la question. Oui, Rico. Oui, donc ça monte sec, hein, on est déjà 6033. Ouais, c'est bon, ça. Je jure. Et il y a SAS le beau gosse, et il voulait savoir, est-ce qu'il faut réviser, avoir le bac pour être milliardaire, ou sinon un autre diplôme? Non. Il n'y a pas besoin de réviser pour être milliardaire ou d'avoir un bac, hein, ça non. Alors comment on fait? Bah, tu deviens milliardaire comme ça, c'est tout. Hein, ça, soit en faisant de la route ou en gagnant un tiercé ou un loto comme Pildar il a fait, que personne n'a vu les papiers. Est-ce qu'on peut devenir milliardaire en ne faisant que travailler en fait? Très bonne question. Ben tout ça dépend de ce que tu gagnes et ce que tu mets de côté derrière. Oui. Par exemple toi. Ben de toute manière je peux pas devenir milliardaire du jour au lendemain si j'ai. Ah, oui, ça je sais. Il faut combien de siècles? Ah ça je sais pas, hein. Combien de vies? Non mais Jeanne, en admettant, combien tu peux mettre de côté par mois toi par exemple? Bon, environ genre. Deux verres de bah, un euro? 15 balles quoi, un demi par mois si tu te rassures. Ouais, bon, 100 balles. Ouais, à peine. Que je dis, quoi. Bon, alors attends, on va calculer, ça m'intéresse. Combien de temps ça fait? Ouais, parce que donc ça fait 10 balles par mois. Ouais. 10 balles par mois, putain. Attends, enlève un zéro, ça fait quand même 100 millions de mois. 100 millions de mois. Mais déjà, Gérard, il peut pas mettre d'argent de côté, il en doit tellement, déjà, il faut qu'il rembourse. C'est vrai. Bon, Michel Pouf, là. Pousnareff. Ouais, bah, tu réponds? Très bien. Je pense que quand t'es milliardaire, en fait, t'as pas trop besoin de faire de la radio ni d'être chauffeur. Mmh. Alors, parce que bon, si tu veux faire de la radio, bah, à la rigueur, tu t'en achètes une de radio, quoi. Non, non, mais je te parle d'être animateur radio. Ah, tu te fais ta propre radio et t'animes tout seul. Non, mais attends, pour avoir ta propre... C'est ce que tu veux. Ouais, ouais, mais pour avoir ta propre radio, faut que t'aies du fric. Bah, okay. Ouais, automatiquement, donc t'es obligé de travailler puis avoir du fric. Sauf si t'es milliardaire. Bah oui, voilà. Donc, deuxième question. Combien de maisons peut posséder un milliardaire? Voilà. Bonne question, ça. Amanda, délire. Oh, bah, tant qu'il veut, hein. C'est-à-dire? Bah, tant qu'il a du fric, il peut acheter des maisons, mais bon, ça, moi je trouve ça un peu con, quoi. Tu peux pas habiter dans toutes tes maisons en même temps. Bah, il peut. Eh, si! Il achète plusieurs maisons et puis il les reloue. Comme ça, ça lui fait du fric en plus. Ouais, mais il s'en fout, les milliardaires. Ouais. Bah, ouais, mais il peut très bien les relouer pour avoir du fric encore. Ouais, bah, je trouve ça débile. Bah, peut-être, ouais. Oui, Manu? Bonjour oui. À Hugo. Très drôle. Des intoxicateurs. Attends, quelqu'un. Attends, Manu. Des intoxicateurs. Les bonjours, c'est pas chez moi que ça se passe. Bonjour pas à l'antenne, moi. Ok. Écoute un peu les voix, moi j'ai. Et Michel Poufmarès, c'est pareil. Très bien. Ok. Attention. Fildar, tu commences pas, s'il te plaît, merci. Ouais, Manu. On accueille Madame de Fontenay. Elle fait flipper, elle. Ouais. De Fontenay. Bonjour, Madame de Fontenay. Vous appelez d'où, là? T'appelles d'où? Vous pouvez me vous voyez si vous voulez. Ouais, bah si je veux, allez hop. Là, il est la fréquence, là, on se réveille, merde. Allez, là-haut. Oui, c'est moi. Oh là là, Manu, tu me la reprends au standard. Est-ce que Loulou. Manu, mais je suis pas sûr que ça vienne du standard. Non, mais Manu, tu la reprends. Okay, tu la récupères et tu me la réveilles ou sinon tu lui dis bonne nuit. Loulou, bégue. Bon, Fildar, s'il te plaît. Est-ce que Loulou. Tu arrêtes. C'est bon, elle est réveillée, ça y est. Bon, non, tu l'as pas. Si. Faut la secouer un peu, regarde. Bon. Ça y est, je l'ai secoué dans tous les sens, regarde. Ouais, bah on dirait pas. À la classe. Ouais, Gérard, tu peux tourner sur la gauche, s'il te plaît? Ta gueule! Oui, donc, Siri RC, il y a une question de Stamon, vite fait. Il demande s'il y a une webcam dans le studio. Effectivement, il y en a une et elle marche pas. Elle est anale. Voilà. Et il y a une très bonne question aussi de Vanouchnif. Il voulait savoir si t'étais milliardaire, Gérard, comment tu dépenserais tout ton fric? Ça, j'en ai rien. Elle est bonne, celle-là. Je peux pas lui répondre. C'est personnel, donc je répondrai pas. Oh, tu m'achètes un bar. Eh, hey, mais c'est quoi là ce son là? Je m'achète un camion. Oh bah, j'avais moi. Oh, c'est quoi là le son? J'ai rien dans les. Dans les esgourdes, dis donc. Eh, hey, c'est quoi là? Il n'y a rien là. Qu'est-ce qu'il y a? Ton volume, je sais pas. Bah non, je suis déjà à pont là. Il n'y a rien. Change ton oreille. Ben non, je suis à pont, j'ai rien. Mais qu'est-ce que c'est ce talus là? Oh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce talus là? Mais c'est quoi ça? Changer les oreilles aussi. Attends, j'ai rien du tout. J'ai quasiment rien. C'est pas un diversion. Ah non, il a fait fondre son casque. Mais non, le truc, c'est mieux là. C'est quoi ce boulot? C'est des pustules con. La cible qu'il a dans les cheveux. Ouais, grave. D'accord. Donc, j'étais qui c'est qui était en train de répondre à cette question? C'était la chaude là qu'on a réveillée. Madame de Fontenay. Oui. Ouais, Madame de Fontenay là. Oui, c'est moi. Donc, combien de maisons peut acheter un milliardaire? À mon avis, énormément. En tout cas, moi, j'en ai. Possède. Pardon? C'est pareil. Bah, si combien de maisons peut posséder un milliardaire? Ou 69. Bon, allez hop, bonne nuit, Madame de Fontenay. Le 69, vous irez le faire vous-même. Je te réponds. Moi, je te réponds à ta question. Hein. C'est vrai. Ouais, bah, elle a rien dit, là, la vire pas comme ça. Ouais, ben, faudra peut-être qu'elle se réveille, parce que si c'est pour... Ouais, non, mais faut parler plus fort devant le combiné. Pauvre. Voilà. Ok. Ouais. Michel Poufmarev. Ouais, bah disons que ça dépend le style de maison que tu veux acheter. Si c'est des maisons polypocket, tu vois, tu peux en acheter beaucoup, quoi. Chaud, il est chaud. De quoi? Ah, je suis chaud. Grave. De quoi? Ok, non, mais tu comprendras pas de toute façon, donc je vais enchaîner. Tu peux répéter, tu répètes, s'il te plaît, ou tu dégages. C'est un cerveau de polypocket aussi, donc ça risque pas. Allez, bonne nuit, Michel Poufmarev. Hop là. Terminé. Amanda délire. Oui, mais je t'ai déjà répondu. Ah ouais, parce que je t'avais dit de manière, il peut les relouer, tu m'as dit que c'était dégueulasse. Il pouvait les louer, tu m'as dit que c'était dégueulasse, c'est ça? Tu m'as dit de manière, il peut les louer, hein. Ouais, et puis toi, tu m'as répondu que c'était dégueulasse. C'est con. Ok. Désintoxicateur. Je sais pas, moi, une fourchette entre, je sais pas, entre 2 et 500, quoi. Mm-hmm. Ça dépend, ça dépend de la taille du milliard, en fait, du milliardaire. Mm. S'il a un gros milliard, il a plus de maisons. Avec un petit milliard, t'as moins de maisons. C'est ouais, non. C'est ouais, mais comme on disait tout à l'heure, donc, s'il en possède plusieurs, donc, est-ce qu'il va les relouer? Comme Amanda Delire me dit, c'est dégueulasse. Madame de Fontenay. Oui. Si ça vous dérange pas, si vous voulez participer à la conversation. Ah, non, mais vous pouvez, hein, c'est pas interdit, hein. Parce que sinon, je vais vous dire au revoir, ça va aller plus vite, moi. Hein. Non, je participe et justement, j'étais tout à fait d'accord. Ça dépend de la taille du milliard. Plus c'est gros et plus ça t'intéresse. Ouais, mais comme je disais, s'il veut les relouer, c'est son droit. Bon, bah maintenant, si ça. Comme ça va. Regarde, Gigi, il a pas le droit, puisqu'il les loue pour faire de l'argent, mais le milliardaire il s'en fout, il a déjà plein de fric. Donc, mais ouais, mais. Tu vois, il n'y a pas de nécessité, quoi. Il a pas besoin de les louer. Oui, d'ailleurs, j'aime bien, il y a ton chapeau qui est de travers. Bon, donc, un petit sondage. Ah, un petit sondage. Ouais. Un petit sondage. Attends, mon grand, ça va être bien, ça. Ouais. Vas-y. Avez-vous déjà été dans la Jet Set? C'est bien parce que. Bah, oui, mais je savais pas que. Bah, comment se faire une question sondage milliardaire? Bah, non, bah. Maintenant... Bah, si, bah, attends, on s'en fout. Alors, les milliardaires sont-ils nécessaires? Alors, 70% disent oui, car tout le monde rêve d'une vie heureuse. Oh, oh. Non, tout le monde rêve d'une vie heureuse. Oh, oh, oh, oh. Ouais, bah, on a pas besoin de tout ça, hein. 33% répondent oui, car sinon, tout le monde pourrait acheter de la couque. Ouais, ben. De la couque. Ouais, mais. De la couque. Ça, je veux te dire une chose. C'est pas une torsion. Ouais, mais c'est peut-être pas une torsion, mais il y a certains trucs qu'on n'a pas besoin de dire à cette heure-ci sur l'antenne, d'accord? Non, mais je veux dire, c'est vrai que si tout le monde avait du pognon, bah, tu vois, ce serait pas dur d'avoir de la drogue chère, tu vois? Ouais, non, mais c'est pas la peine d'en parler à cette heure-ci sur les radios, d'accord? Et 23% des clochards nous disent de fermer ma gueule. Alors ça. Bah oui, tu les as vexés. Ouais, bah toi, tu fermes ta gueule déjà pour commencer parce que c'est toi qui fais des sondages de merde, c'est pas Rigaud. Non, c'est pas Rigaud. Je suis désolé, vous mettez tous sur le dos à Rigaud. Et Rigaud n'est pas là de la semaine, c'est vous qui êtes là toute la semaine. Non, les sondages. Justement, la semaine. Les sondages, ils sont sortis qu'aujourd'hui. Il travaille toute la semaine dessus, le truc, la BVA Bavaria. C'est lui qui fait le grand jury. 18%, 18% me répondent de rajouter, s'il vous plaît, car je suis mal poli. Bah, moi, je les emmerde. Non, mais les milliardaires, ils sont mal polis. Okay. Et ça, c'est mal poli. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, alors, troisième question. T'en as pas un autre, là? Il y en a d'autres. Une question milliardaire. Il restait, une question. Parce qu'il y en a pas mal, quoi. Il faut qu'on en fasse au moins deux par heure. Il y en a six, il y en a neuf. Ouais, ben, sur neuf, j'ai que deux questions. Non, c'est faux. Non, après, peut-on être milliardaire et ne pas faire partie de la jet set? Non, je crois qu'il y a une question, c'est. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais milliardaire? Non, bah, moi, je vais faire la 4, ça ira plus vite. Ok. Alors, comment être milliardaire? Alors, 60% répondent en faisant beaucoup travailler sa grosse. Sa grosse au black, pourquoi pas, bien sûr. Ça, c'est pour Phil Lard. Non, bah non. 45% des gens répondent que la seule façon, c'est de voler dans un sac à main, bien sûr. Ça, c'est bien tes conneries. Mais non, 55, c'est pas moi. C'est ta gueule, c'est toi qui t'amuses à sortir des mètres comme ça. 55% des gens pensent qu'il faut connaître Philippe Rizzoli et Foucault, pourquoi pas. Faut bien préciser les noms. Hein, non, mais Rizzoli pour le millionnaire. Ouais, c'est ça. Et Foucault, il va gagner des millions. Il copie sur les pays étrangers parce que c'est eux qui l'ont sorti avant. Mais oui, on a racheté le produit. Ils ont racheté. Oh, le millionnaire, il est grillé, millionnaire, il n'existe plus, je te signale. Ouais, c'est mais vrai. Si, les tickets, mais plus à la télé. C'est parce que Rizzoli, il fait ça au black le week-end, il a la roue, il a gardé 98% pensent que... 98% pensent que moi, je suis un dromadaire à trois bosses, plein de Ricard. Bien sûr, pourquoi pas. Ça, c'est bien tes conneries, Phil. T'es pas milliardaire, t'es dromadaire. Ouais, c'est ça. C'est bien tes conneries, enfin, bref. Donc... Attends, décale-toi. Troisième question. Croyez-vous que tout le monde... Que tout le monde peut devenir milliardaire. Et on va demander à... J'accueille quelqu'un pour qu'on soit quatre quand même. Hein. Ah. On accueille Monsieur Mazur, bonsoir. Ah. Oh, encore lui. Putain, vous commencez à me casser les couilles avec lui. Bonsoir à tous. Vous commencez à me casser les couilles avec ça. Quel plaisir de vous avoir, Monsieur Gérard. Ouais, j'en ai rien à foutre de vous. Attends, c'est la jet set très intéressante. On va essayer un débat sur la jet set étant vous-même... Oh, ça y est, j'ai compris. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez, vous n'allez pas me casser les couilles aujourd'hui, vous. Bah doucement, Gérard. D'accord. Ne crie pas avec monsieur. Je commence à en avoir ras-le-bol de l'avoir toutes les semaines, celui-là. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bon, ça y est, on a compris que vous êtes monsieur Mazur. Maintenant, vous fermez votre gueule. Bonsoir, monsieur. Ok. Gérard. Merci. Pour calmer le débat, il y a une très bonne question de Magic qui voulait savoir, est-ce qu'un milliardaire peut devenir millionnaire? Bah oui. Ah non. Bah si, parce qu'un milliardaire, déjà, avant d'être milliardaire, il était millionnaire. Donc automatiquement, ça revient au même. Mm-hmm. Gérard, tu crois que c'est plus facile de gagner des milliards ou des millions? Les deux, c'est pareil. Parce que tu gagnes des milliards ou des millions, c'est pareil. De toute manière, tu seras toujours millionnaire ou milliardaire. L'unité de mesure du million. Quelle unité de mesure? Et puis c'est pas la peine de fermer tes yeux quand tu parles aussi. L'unité de mesure du million, en fait. Est-ce que c'est le franc? Mais j'en sais rien, je te demande. L'euro. C'est l'euro. Hein, ça doit être l'euro. Mais Gérard, en fait, les milliardaires, c'est justement, j'ai une question qui me vient là. Les milliardaires, quand on va passer à l'euro, ils vont plus l'être? Bah oui. Ah si, ils sont toujours, mais sauf que ça sera en euros leur truc, voilà. On va pas s'éterniser sur les questions. Bon, croyez-vous que tout le monde. Croyez-vous que tout le monde peut devenir millionnaire? Allez, tu vois, monsieur Major, parce qu'il il est oui, toujours dans les. Bon, ça y est, on a compris. Monsieur Gérard, permettez-moi une petite réflexion, s'il vous plaît. On ne dit pas l'unité de mesure, mais l'unité de masure, bien entendu. On n'en a rien à foutre. J'ai deux mots. De bonne aloi. On n'en a rien à foutre. Là, vous allez dégager, vous allez voir, ça va aller encore plus vite que ça, vous. Absolument. Ouais, bah alors, vous répondez à la question. Écoutez, je n'ai pu malheureusement entendre votre. Monsieur Mazur, vous foutez de la gueule du monde ou quoi là? Absolument pas, monsieur Gérard, je n'oserais pas, vous savez bien. Croyez-vous que tout le monde peut devenir millionnaire? Effectivement, il suffit bien entendu de jouer rien qu'une fois au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance et bien entendu. Milliardaire, pas millionnaire, je me suis gouré en même temps. Mais monsieur Gérard, c'est pareil. Millionnaire, c'est déjà un pas vers. Millionnaire et milliardaire, c'est pareil. Millionnairisme. Oh là là là. Écoutez, monsieur Gérard, excusez-moi de vous contredire, mais millions et milliards, ça n'est pas pareil, n'est-ce pas? Oh, ce qu'il est lourd celui-là. Enfin, madame de Fontenay. Oui, oui, à mon avis. De Fontenay, pardon. Monsieur Mazur a raison parce que c'est vrai que. Oh, qui c'est qui a un téléphone portable? Il y a un sans fil. Qui a un téléphone pourri? Moi, j'ai un téléphone fixe qui marche très bien. Je l'ai acheté très cher et il marche très bien. Ouais, bah, qui c'est? Manu, tu essayes de gérer qui c'est qui a un téléphone pourri, là, s'il te plaît. Ouais. Manu! Ah oui. Manu, je suis en train de le faire, alors merci. En attendant que Manu gère, il y a une très bonne question de Frenzy sur l'IRC. Il te demande si les animaux peuvent devenir milliardaires. Mmh. Bah comment? Comment? En jouant au loto. Ouais, peut-être comme en faisant des bandes dessinées, peut-être. Regarde, on est Flipper, le dauphin, par exemple, qui est milliardaire. Bah tu prends ton plan, c'est pareil. Tu prends ton Milou, c'est pareil. Milou, oui, c'est pareil. Hein. Non, bah, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Qui c'est qui n'a pas répondu? Oui. Madame de Fontenay, elle a répondu. Oui, Amanda Lear. Oui, ouais. Amanda Délire, pardon, merde. Pas de nom à l'antenne. Pour devenir millionnaire, c'est ça? Oui. Bah, je sais pas, tu travailles ou t'as du pot. Je crois que le mieux, c'est d'avoir de la chance, quoi. Ou alors de naître millionnaire, mais c'est pas évident. Hein. Pour les parents et tout. Pas donné à tout le monde. Hein. C'est vrai que l'héritage, c'est quand même assez intéressant. Ouais. De quoi? Bah, ça marche aussi par l'héritage. Hein. Ouais, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas que l'héritage qui compte. Faut pas compter que sur l'héritage quand même. Hein. Non mais Gigi. Ouais, attendez. Il faut des parents. Attendez, merci. Pour l'héritage. On attend des intoxiques. Ouais, je voulais seulement dire qu'il pouvait y avoir des héritages mystères. Manu. Non, je voulais te parler du nouveau jeu de TF1, du jeu de l'été là. Comment gagner des millions? Demande à Fildar. Tu peux m'en parler, Phil? Bon, un jeu très simple qu'on a racheté un peu cher. Bon, on est d'accord, mais bon, je pense que ça a bien cartonné. On va s'en foutre plein les fouilles. Non, mais de manière, le jeu c'est simple. C'est, tu dois répondre à des questions et si tu fais un parcours sans faute, à la fin tu gagnes le million, c'est tout. Tu vas jamais gagner alors. Mais de manière, c'est sur sélection parce que là ils font des sélections au mois de juillet. C'est truqué. Va enculer toi-même des incontes. Ah non, c'est pas moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis-lui à jeudi. C'est chiant, tu pourras. Ah, bonne nuit, celui-là. À jeudi, hein, des sacs. Ah, jeudi, t'as prends ton sac, hein. À jeudi, on fait un débat, jeudi. Prends ton sac à dos, on va dans les Alpes. Amanda Délire. T'as répondu? Ça y est, tout le monde. Madame de Fontenay, t'as répondu. J'ai déjà répondu. Monsieur Mazur, pareil. Bon, bah. Mais justement, je voulais. Par rapport, on dit comment. Manu. Bon, bah. J'ai un auditeur, hein. Bon. Si vous voulez, ça vous fait plaisir, un quatrième. Ouais, bon, on se faire kiffer. T'en as pas un milliard. Ok, attention. Bon, bah. On accueille Steve O'Stiz. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Bonsoir. Manu. Bonsoir. Salut Steve, bonsoir. T'appelles d'où? Moi, j'appelle de Paris. 101.9. Vous pouvez pas essayer de me trouver des gens de province? Non, mais c'est pas ça, c'est que regarde, la Jet Set, c'est le showbiz, et le showbiz, bah ouais, tu vois, c'est pas Non, on n'a rien à foutre. Attends, la Jet Set, c'est les paillettes, la coke, le strass, le maillot. Ouais, il n'y a pas que ça, écoutez. On s'en fout, hein, que ce soit le film qui est sorti sur Paris, mais il faut prendre un peu des gens de province. Pas du film, parce qu'à l'heure actuelle, on a qu'Amanda Délire qui est de tour, sinon on a aucune personne de province. C'est pas grave. C'est la Jet Set. Quoi, qu'est-ce qu'il a, lui? Gérard, je vais te demander par rapport au millionnaire, tout à l'heure, à ta question. Est-ce que, si tu vois, on est héritier de millionnaire, il faut payer pour avoir la fortune? Ouais. Comment ça? Est-ce qu'il faut payer des droits pour avoir l'héritage quand c'est beaucoup d'argent? Non, t'es sûr? Ah, non, non. Sûr, parce que moi j'ai entendu dire ça. Hein. Les droits de succession, Gérard, ça te dit rien? Quand tu touches un héritage, il n'y a pas des droits derrière. Hein. Là, lui, il a des droits de suspicion. Mais... enfin bref. Gérard, oui. Sur l'IRC, il y a une très bonne question de Snake. Je te jure, c'est que des très bonnes questions. Je te jure. Snake, il voulait savoir combien il y a de zéros dans un milliard. Oh, bravo, Snake. Là, il y a la... Attends, faut que je lui répondrai tout à l'heure, faut que je voie. Tu as compté sur tes doigts. Non, faut que je si tu veux, j'ai un disque de 7 minutes. Star Wars. Non, mais c'est bon. Quatrième question avant la pause. Tu réponds. De 10 minutes, si tu veux. Okay. Alors, pensez-vous qu'il y aura de la Jet Set dans les années à venir? Et tu m'envoies le disque, Manu. Oh là, la Jet Set. Et là, on va s'écouter. Attends, tu peux répéter juste avant la question, parce que je crois que même moi, je ne l'ai pas écouté. Donc... C'est la 4. Pensez-vous qu'il y aura la jet set dans les années à venir? Et on se retrouve après au 0803-08-5000. Vous pouvez toujours nous appeler, l'IRCWW.funradio, et vous cliquez, et je veux 10 000 personnes. Et on est combien avant la pub, Rigo, s'il te plaît? On est 7047. 7047 et on va s'écouter Joe Bassin avec les petits, avec les petits câlins et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat. A tout de suite. L'émission sponsorisée par Chocopip. Plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Chocopip. L'émission sponsorisée par les camions Balbo. Ouais, c'était celui-là que je devais faire. Et donc voilà, donc on se retrouve pour la suite du débat. Donc milliardaire et Jet Set. Donc c'était Joe Bassin avec les petits P câlins. Donc voilà. Alors pour ça, pour répondre à la question. L'IRC, il faut exactement 8 zéros. C'était quoi la question? C'était combien de zéros dans un milliard? 8. Ah oui. 8. Voilà. Donc on récupère Steve de Paris 101.9. Tu parles en ancien franc là. Bon, ça y est, on a compris. Steve 101.9 donc de Paris. Bonsoir à tous. Amanda Delire de Tours 102.8. Bonsoir. Madame de Fontenay sur Paris 101.9. Et Monsieur Mazur Paris 101.9. Absolument. Donc la question, vous l'avez entendue. Tout à fait. Donc Steve, alors. Alors, c'est sur la Jet Set en l'an 2000, c'est ça? Pensez-vous qu'il y aura la Jet Set dans les années à venir, pas dans, spécialement sur l'an 2000, hein? Elle existe déjà. Moi, je pense que ça va aller en s'empirant. Hein. Je pense qu'ils seront encore plus défoncés. Ouais. Je pense qu'ils seront encore plus obsédés sexuels, tout ça. Bon, moi, je parle de ça, je suis pauvre, tu vois. Donc, je fais mes petites fêtes à moi, mais moi, ça me paraît terrifiant, leur fête, là, non? Hey, tu parles correctement ou sinon je te dis au revoir. Mais non, mais je parle comme je parle. Je veux dire, non, mais ces fêtes-là, avec toute cette coco, toute cette drogue, toute ce... Tout... Mais pas dans le film. Ça va t'aider le voir, le film. On parle pas du film, hein. C'est fini, là. Oh, eh, merde. Putain, mais qui c'est qui répare les micros, là, ici? C'est pas grave. C'est la LAN. Ah, LAN, il est torché. Mais dis donc, c'est quoi encore ce micro de merde? Non, mais Gérard, moi je te pose une question, je veux... Mais c'est quoi là ce bordel? Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette... Bon, attendez les auditeurs, là. Ouais, on attend, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Gérard, il a un micro, donc il est en train de réparer, comme d'hab. Ah, mais arrêtez de mettre toujours la musique aussi. Mais Gérard, voilà. Si tu le branches là, ton micro, faut que tu changes de boîtier, t'es au courant. Couillon. Je vais pas t'apprendre la vie. Il y a trop de groove. Voilà. Alors? Ouais, là, ça va déjà mieux. Ah ouais, bah... Enfin, bref. Gérard? Toi, je te signale, t'arrêtes avec ta musique maintenant, sinon tu vires. Là, on parle du film. Non, mais moi je te préviens, c'est pas parce que c'est la dernière de l'année, c'est le dernier débat de l'année que tu vas foutre ta merde. Mm. Ou sinon tu la vireras avant, toi. Mm. Avant tes vacances, tu vas voir. Ouais, ouais. Ok, c'est la dernière fois que je te le dis. Ouais, Rigo. Sur RC, il y a Jet Sex, il voulait savoir si on peut devenir milliardaire quand on a que 1,36 francs sur son compte. Ouais, j'y répondrai pas parce que ça, c'est de la faute à Fildar, c'est Fildar qui a été balancé ce que j'avais sur mon compte. Donc j'y répondrai pas. Jeu de mots. Voilà. Bon, t'arrêtes, oh! Allez, hop, dehors! Dégage! Ah, j'arrête, allez. Dégage! Allez, c'est bon. Bah ouais. Amanda Delire. Oui. Bah oui, je pense pareil que le phénomène va devenir de plus en plus important et que bientôt, en fait, la Jet Set, ça va être ouvert à tout le monde. Et ce qui fait que dans 10 ans, il va y avoir de la Kaira, tout ça, donc c'est pas la peine, quoi. Ah, je suis pas d'accord. Dans les studios, là, de l'autre côté, ça vous empêcherait d'arrêter un petit peu, s'il vous plaît, merci. Bah, écoutez, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, non, pas tout à fait, non. Non, t'écoutes pas quand on te parle. Mais non, parce qu'à côté, ils sont en train de faire du boucan, ils n'entendent pas. Entre toi sur ce qu'on te raconte, et au moins la politesse de nous écouter. Oh, ouais, Amanda Dallier, je t'emmerde, au revoir. Allez, hop, au revoir. Connasse. Allez, hop, celle-là, va pas me casser les caca. J'avais tout prévu, j'avais un auditeur d'avance. Bien vu. Alors, Poussy contre les vampires, bonsoir. Oula. Bonsoir. Fizard, dégage. Bonsoir. Bonsoir, Véran. T'appelles d'où? J'appelle de Brest. Comment il s'appelle? Fréquence 104.2. Oh l'impro. Comment il s'appelle ton mec? C'est un truc de ouf. Steve, tu fermes ta gueule ou sinon tu dégages aussi? Pouce Angel. Ah, c'est Angel avec son sourcil. Pouce Angel. Steve, tu fermes ta gueule ou tu dégages? Pas bien. Bon, on revient. Merci. Alors, madame de Fontenay. Ouais, alors écoute, moi, moi la jet set, je pense que c'est quand même très très fermé. D'ailleurs, on a prévu pour les années à venir avec mon pote Eddie Barclay, je sais pas si tu connais, on a prévu des super. Bon, et madame de Fontenay. Pas de marque. Un conseil que je vous donne, vous répondez à la question correctement. Ah, la question, justement, je te dis, la jet set va se développer énormément. On a prévu des super soirées. Ouais, avec qui? Gang Bang. Ah, la bonne nuit, bonne nuit. Allez, hop, gang, gang. C'est pas grave, laisse-la, elle m'intéresse. Steve, va rejoindre. Non, il est bien. Gérard, je vais te poser la question. Mais tu te dis, là, quand est-ce que va continuer ou se développer la jet set? Mais elle existe déjà, non? Non, mais pensez-vous qu'il y aura la jet set dans les années à venir. Et mais ça fait combien de temps qu'elle existe? Oh, j'en sais rien. monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai pas trop compris, là. Pardon? J'ai cru entendre quelque chose. Ah, écoutez, je ne vois pas de quoi vous parler. J'espère pour vous, parce que sinon vous allez dégager. Non, les auditeurs écoutez, mystères. Je m'apprêtais à répondre à votre question. On va accueillir un auditeur, vous exactement, répondrez après. Tout compris, beau gosse. Eddie Clébar, bonsoir. Beau gosse, c'est vite bien. Oui, bonsoir. C'est Manu, bonsoir, ça ne te dérangerait pas de me mettre un peu de nana que des mecs, là? Tu les vires toutes. Les cochons, elles sont chaudes et tu les vires. Tu les vires toutes. Toi, Steve, tu vas fermer ta gueule, parce que ça fait déjà deux fois que je t'avertis. Alors fais gaffe à la troisième, tu risques d'aller dehors. Gérard, pour terminer le débat, tu fais une très bonne suggestion de Yankee sur l'IRC. Il voulait savoir comment ça se passait pour les morts. Tu vois, les poètes ou les peintres qui étaient pas riches et qui sont devenus par la suite milliardaires, est-ce qu'ils rentrent dans la jet set? Bah en principe, oui, je pense. Hein. Mm-hmm. C'est qui l'auditeur? C'est ça tes pauvres réponses, putain, mais fais chier. Il appelle d'où? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il appelle d'où? J'ai des mots. Fildar, tu arrêtes s'il te plaît! Mais quoi, on peut rigoler quoi? T'appelles d'où, Eddy? J'appelle de Saint-Tropez, 117.7. Et sois bon. Bonsoir. Bon, et qui c'est qui s'amuse avec la musique là? Je peux le produire. Hein. Ouais, moi je te dis, je vous dis d'arrêter. Bon, monsieur Mazur, vous répondez maintenant. Eh bien, écoutez, je pense que bien entendu, la Jet Set est appelée à se reproduire tout au long de ces futures années. Et je dirais moi-même, en faisant, n'est-ce pas, quelque peu partie, je dirais, eh bien, tant mieux, cela nous promet beaucoup plus de putes et de cocaïne, n'est-ce pas? Bon, alors, monsieur Mazur, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'on parlait pas de ça, je vous dis bonne nuit. Attendez, bonne nuit, allez. Bonne nuit, monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Au revoir. Calme, Manu, tu dis à monsieur. Non. Au revoir. N'est-ce pas, je pense. Manu, tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir. Écoute. Tu lui dis au revoir. Dans lequel chaque pensée. Manu, il faut le mettre. Arrête, bon, alors, ça ira. C'est terminé, tu le sac. Terminé pour lui. Gérard, raye un nom. Alors. Aussi, je me demande bien. Oh, Manu. Manu. Il revient. Tu le sac! La jet set. Oui, Manu! Fais gaffe parce que c'est le portable que tu te prends dans ta gueule! Ouais, ouais. C'est vraiment trop. Espèce de gros con, va! Allez, on va revenir au débat sérieusement. Petit Nokia, là, le. Poussy, là! Mesure, enculé. Poussy! Ouais, Poussy contre les vampires. Oh, si je veux, il est portable. Eh, c'est quoi, c'est un portable ou un sans-pile? Ni l'un ni l'autre, un téléphone fibre. Ouais, on t'entend mal, alors tu parles comme il faut devant ton combiné. Très bien. Donc, je pense que dans les années à venir, effectivement, il y aura de la jet set. D'accord, enfin quand même. Mais ces gens, n'est-ce pas, font partie. J'arrive pas. Manu, c'est la dernière fois que je te dis de virer. Mais non, mais Gérard, monsieur Mazur a raison. La règle d'or de la jet set, c'est vive les putes, vive la côte. Poussy, pareil, au revoir. Poussy, au revoir. Je suis d'accord avec toi, GG. Poussy, au revoir, allez hop. Ça y est, il est parti, j'avais prévu, j'ai Laurent Boyer, bonsoir. Oh, génial. Ouais, salut. Bonsoir Laurent. Ouais, salut, j'appelle de Paris. Là, c'est vrai, franchement. Bonsoir tout le monde. Salut. Alors, Steve, t'as répondu. Avant, Gérard, j'aimerais qu'on réponde à la question que je t'ai posée tout à l'heure. C'est vrai. La jet set, elle existe depuis combien de temps? Mais j'en sais rien, que je t'ai dit. T'as pas une définition? Qu'est-ce que ça veut dire, la jet set? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu me dis, la question, elle est pas là. D'où vient le mot de la jet set? On n'en est pas encore là. Non, qu'est-ce que tu as plus vite que la charrue, toi? Mais attends, on va pas parler d'un truc dont on connaît pas. Mais pour l'instant, la réponse, elle est là. D'où vient le mot jet set? Tu vas pas me casser les couilles à ceci, toi. Merde. Tu sais quoi, si on sait pas, qu'est-ce qu'on réponde? Mais pour l'instant, la définition, c'est moi qui l'ai, on la donne tout à l'heure à la question 11. Ok, Gérard, c'est un peu tard. Bon, Gérard, comme tu ne veux pas donner la définition de la jet set, il y a Tite Poil, alors il te demande des noms célèbres de la jet set pour donner des exemples. Ceux qui ont tourné le film, on a dit qu'on parlait pas du film. Mais non, mais des vrais jet set, ça existe la jet set. C'est quoi? T'en sais rien, moi non plus. Mais alors, si tu as la réponse là. Non, mais ça, c'est pour tout à l'heure la question. Mm-hmm. C'est d'où. Donne des indices. À votre avis, d'où vient le mot jet set, c'est tout. J'ai la réponse et je dirai pas d'où. C'est tout. Bon, tu arrêtes avec ça, s'il te plaît, toi, maintenant. Sinon, tu vas dégager. C'est parce que t'as vu Jet Set. Putain, t'aurais vu Gladiator, on aurait fait un débat sur les tarlouses. Steve, tu fermes un peu ta gueule, t'as déjà répondu. Sur les gitons. Eddie. Sois bon. Bah écoute, moi je pense qu'on est juste au début de la Jet Set, hein, ça vient de commencer. Je pense que dans les années à venir, il y aura plein de Jet Setters, à mon avis. Et ouais, non, l'hégémonie de la Jet Set, c'est pour bientôt, méfiez-vous, quoi, moi. C'est ce que j'ai à vous dire, hein. Mmh. Moi je sais que déjà ils prévoient de doubler le festival de Cannes, faire deux fois par an. Ouais. Oh là là. Et déjà ça à mon avis c'est un signe. Attends, de faire le festival de Cannes deux fois par an? Ouais. T'as vu jouer ça où toi dans Spirou? T'as vu jouer ça où? T'as entendu ça où? Bah non, moi j'ai voilà, c'est tout. Toi tu fermes ta gueule avec dans ton cul parce que moi je t'emmerde, espèce de connard. C'est qui dit ça, c'est pas bien là. Putain, Fildar, tu as morflé. Mais c'est pas moi, Michel. Tu as morflé, Fildar. Laurent. Non, Eddie, là, bon, t'as entendu ça où, là, cette histoire de Cannes? Je l'ai dit dans Voilà. Ah, dans Voilà. Bah, parce que je lis un peu la culture française. Ouais, non, mais moi, c'est bizarre parce que pour l'instant, ça n'a jamais été dit. Hein. Alors, je crois que t'as des fausses informations. Écrit, mais faudrait savoir. T'as des fausses informations. Déchiffrer les symboles. T'as des fausses informations. Attention, Gérard. Merci. Gérard, dans ton cul. Ta gueule, toi, connard. Gérard. Excuse-moi, je voulais te demander, on ne sait pas ce que c'est un jet set. Donc, un jet setter, c'est quoi? C'est un mec qui. Jet set. Qui boit trop de jet 27 et qui doit aller dans les Alpes se redorer voilà, les poumons. Voilà, t'as tout compris. Voilà, c'est tout. Bon, Laurent. Laurent. Ouais, Laurent Boyer. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup, hein, des fêtes jet 27. Enfin, jet 7. Ouais, non, parce que bon, j'ai encore plein de copains à faire, parce que bon, faut que je me fasse de la thune pour être millionnaire en faisant des émissions, quoi. Intéressant. C'est vachement intéressant, ton. Non, mais c'est vrai, attends, réponse, hein. Laurent Boyer, il se fait de la thune en parlant des mecs qui en ont déjà. Ouais. Si tu veux, je mets des. Excuse-moi, ça. Ok, c'est qui a coupé? Oui, ça a coupé. Steve? Non, je suis là. Ça y est dit, alors non. Je suis là. Qui c'est qui a coupé? Je sais pas. Tu voulais pas me donner un auditeur, et c'est peut-être plus qu'à raccrocher, alors. Non, j'ai rien, là, pour l'instant. Ah bon? NK, faut y aller, hein, faut essayer de m'en trouver, là. J'ai le bon nom. Pour chercher, là. Dégage, je vais aller. Ah, l'autre, il balance. Non, mais je m'en fous, moi. Regarde ma fiche. Non, mais moi, et alors, c'est pas de ma faute si les gens sont super bavards et qu'on. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Mais de toute manière, tu rappelles un auditeur, et c'est tout, tu demandes à Yannick. J'ai quelqu'un. On a Vladimir Pouskine. De retour. T'appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Russie. Putain, mais rachète ton téléphone, Vladimir. Oh, mais Vladimir, tu me le récupères à l'antenne, tu me le réveilles. Il pue son téléphone, Vladimir. Mais non, son téléphone, il est pourri. Mais écoute-le 30 secondes, mais il est pourri, son téléphone. T'as une voix de merde et pourtant tu fais 3 heures de débat. Et moi, je t'emmerde. Non, mais t'as raison un peu là-dessus, c'est vrai que t'as une voix de merde, bien. Bon, alors tu dégages, Steve, au revoir. C'est le réseau. Allez, descends à la cabine. Hop, Steve, au revoir. Steve, je veux pas savoir, au revoir. Je veux pas d'avance savoir, allez hop. J'ai rien fait moi. Je comprends rien, j'ai. Mais c'est pas Steve. Alors c'est qui? C'est Steve. Alors tu le vires. Et puis c'est tout, vous me faites chier là au standard, vous faites du boulot de merde encore. Brice, je t'avais prévenu, Anka, hein. Ouais. C'est ta chance. Lors de la nuit de marathon, je t'avais prévenu qu'il fallait bosser et prendre des auditeurs, hein. Je bosse, hein. Ouais, bah pour l'instant. Mais c'est pas de ma faute, il marche pas ce standard, de toute façon. Oh ouais, il marche pas. Hein. Ça marche pas, et ça marche une fois sur 15 000. En plus, quoi, ça recommence encore? Mais ouais, c'est. Ouais. Non, il dit des bêtises. Non, mais non, ça m'étonnerait. Personne. Quoi, ça. Quoi? Attends, y a personne, tu rigoles là? Il fout de notre gueule ou quoi là? Oh. Ah, tu prends personne, ça clignote, tu prends personne. C'est quoi là, ce bordel là? Feignasse, va. Ouais, bah, va falloir qu'elle bosse un peu plus, elle. Tu sais quoi, en plus, Gigi, elle est vachement, elle est désagréable au standard, Anka, en plus. Ouais, c'est limite, hein. Ouais, c'est limite. Et bah, voilà, c'est quand même une preuve que tu vois. Hein, bah, tu vois, c'est vrai. Soit à l'antenne. En plus, c'est les auditeurs qui te le disent. Elle insulte. Qui c'est qui a pas. Ouais, Manu. On va accueillir un nouvel auditeur. On accueille Étienne Daha. Salut, c'est Étienne Daha. T'appelles d'où, Étienne? J'appelle de Rennes. La fréquence? 95.8. Eh, tu peux parler un tout petit peu plus fort devant ton micro? J'arrête pas. Enfin, j'ai une voix qui passe super mal, on me dit. Attends, t'as un téléphone fixe ou... Je suis sur un téléphone fixe, on a que ça à Rennes. Oh là là là. J'ai eu le même problème, une fois, je suis parti en week-end à Rome. Ouais. Et ça passait super mal. Bon, la fréquence de Rennes? De Rome? De Rennes! Ah, pardon, je te l'ai dit, 95.8. Oh là! T'es tatoué ou pas? Ouais, ton épaule est tatouée, ouais. Alors, t'as. Gérard, oui. Pour continuer dans la lancée, sache qu'on a un petit peu perdu sur l'IRC, on n'est plus que 5237. Non, elle a rien perdu. Ah merde. En fait, c'est pas. Alors, au hasard, Steve, au revoir! Non! Au hasard. Terminé, comme ça, Sandy, à ton merde. Allez hop, terminé pour Steve. Ça m'aurait étonné. Les gens, ils s'en vont parce que en partant, ils disent que c'est inadmissible que t'aies pas la définition de jet set, donc il faudrait la trouver. Bah, je l'ai, mais. Pour alors, dis-la, merde! Mais merde, c'est la question. Mais tu la diras tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, la jet set définition, comme ça, ils vont pas me casser les couilles sur l'internet, et puis là, il va fermer un peu sa gueule, il va faire son boulot correctement. Tu crois? Alors, Élite Coca-Cola, ta gueule. Comme ça, tu comprendras tout de suite. Élite cosmopolite, faisant fil du temps, mais obsédé par l'argent, mode de transport, jet privé. Voilà. Attends, tu peux traduire en non-alcoolique, s'il te plaît. Alors, toi, tu vas te faire enculer, le Eddie, et je te dis au revoir. Doucement. Parce que j'ai rien compris, là. Ouais, bah, t'as rien compris. Bah, moi, je te dis au revoir, comme ça, tu t'auras tout compris ce que ça voudra dire. Sponsorisé au revoir. Les camions Balbo. Filler, tu arrêtes avec ça parce que ça m'énerve, d'accord? C'est les sponsors. Alors, avez-vous déjà une petite question quand même, ouais. Vite fait au passage, de Kérosène, le meilleur pote de Manu. Est-ce qu'il est vrai que mon quand pote. On est milliardaire, il est illégal de travailler? Très bonne question. Oh, pas obligatoirement. Pas obligatoirement, il peut travailler s'il a envie de travailler, le mec. Je crois que les mecs qui ont de l'argent, ils doivent payer pour travailler. Ah, pas forcément. Bah si, pour créer des emplois. Bah ça, c'est eux qui voient. Hein. S'ils veulent acheter des entreprises et créer des emplois, c'est leur problème. Mm-hmm. Ça, c'est un problème qui est quand même important. Ça pourrait aider des gens. Ouais, mais ça pourrait aider du monde, mais ça dépend aussi de la personne si elle veut en prendre des gens. Ça, c'est là qu'est le problème. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas aider. Voilà. T'en as beaucoup, t'en as certains qui veulent pas le faire. Hein. Ça, c'est peut-être aussi leur problème. Ouais, Manu, on a deux autres personnes, non? Ouais. Mais alors, vas-y. Bah, en attendant, oui, mais on va t'arrêter deux petits sondages sur la jet set quand on est dedans, là. Ah oui, donc on accueille les gens. On accueille Guy Bedeau et Gladiator, bonsoir. Oui, alors moi, c'est Guy Bedeau, c'est La Rochelle 94.5. D'accord. Et Oui, bonsoir, c'est Gladiator. J'ai pas de fréquence. Rien. Je m'appelle Maximus, mais je veux pas que ça se sache. Ta fréquence. J'ai pas de fréquence. T'appelles d'où? Je veux pas que ça se sache. Alors tu dégages. Allez. J'ai un masque. Hop, terminé. Terminé, au revoir. Ta question avant que je te coupe la tête, l'alcoolique. Va te faire enculer, dégage. Avec mon épée. Voilà, merci. Alors, avez-vous déjà été dans la jet set? Alors, 50. Putain, mais c'est quoi ces micros de merde là? Ouais, mais c'est le son, tu sais. Putain, je suis à. Ah. Non, c'est pire. Non, je suis à fond là, je peux rien faire de plus, je suis à fond. Ouais, mais attends, tu t'amuses? Non, je te jure que non. Alors, ça, avez-vous déjà été dans. Oh, tu attends, t'as fait double sang! C'est rigot, mais c'est rigot! Mais arrête, c'est rigot, regarde. C'est pas rigot. Mais non, c'est pas moi. Fais gaffe, parce que tout à l'heure, tu vas te le prendre dans ta gueule, là. Oui. En plus, c'est pas à 20 grammes. Toi qui vois le kit CRS. Avez-vous déjà été dans la jet set? 59% des gens répondent qu'ils ont déjà essayé, mais avec Vaseline. Ça, c'est pas, la jet set, c'est pas dans le cul, hein, qu'on parle. Enfin, bref. 40% répondent qu'ils ne boivent pas de jet 27, ça n'a rien. Ça sert à rien, je vois pas non plus le truc avec le film. Ouais, ils ont dû confondre. Mmh. Ouais, je pense. 20% des gens disent que oui, en cassant un carreau, bah pourquoi pas. Ils sont rentrés dans la jet set. 11% disent qu'ils sont déjà allés à la bourboule, mais à la jet set. Ok. La bourboule. Bah, c'est ce que j'ai dit, la bourboule. Ouais, Manu. Pareil que t'aimes bien, bourboule. Pas. Manu, oui. On accueille. Ah oui, t'entends bourre des boules. Ouais, c'est ce que je voulais dire en fait. Jeu de mots. Oh, me tente pas, toi. Hein. On accueille Pussy Mitchell, bonsoir. Mais attends, il y en a un autre, non? Ah bon, pardon. Ah bon. Moi, j'accueille. Hein, salut, j'accueille. Poussi, salut. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Hey, Jarret. Bonjour, c'est Poussi Mitchell. Je crois que je... Oh hey, ouais. je l'avais déjà viré, lui. Non. C'était Poustine. T'as eu, ouais, Poustine, Pousnareff. Non. T'as eu Poussi. Poussi contre les vampires. Mais c'est pas la même chose. T'as eu Poustine. C'est Poussi Mitchell. T'appelles d'où? C'est Poussi Mitchell. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Oh, mais arrête, Paris. Putain, mais arrêtez avec Paris. Arrêtez avec Paris, merde, y'a pas que Paris. Putain, ça commence à me prendre la tête, là. Bon, Gérard, maintenant que t'as donné la définition de... Oh, ta gueule, un peu, la Poussi. Tu t'écrases, la Poussiane. Maintenant que tu as donné la définition de la Jet Set, y'a Yankee qui voulait savoir où est-ce qu'on peut trouver la Jet Set. Oh putain, mais il me casse les couilles, lui. On peut pas la trouver, la Jet Set, qu'est-ce qu'il me fait chier, celui-là. C'est comme la Matrice, un peu, non? Oh, voilà. Je l'ai vu hier. Oh, putain. Oh, c'est vrai, ça. Bon. J'ai un zone 6 à 50. Alors, question. Un milliardaire peut-il posséder une femme de ménage? Le Poussi. Poussi. Elle cartonne celle-là. Eh, t'as un téléphone comment, là? Oh, bah attends, il est très bien. T'es avec quoi comme téléphone? Mais non, c'est un téléphone de Jet Set. Je te demande, c'est quoi comme téléphone? C'est un téléphone filaire. Putain, mais il est borné ou quoi? C'est un téléphone filaire. Il est, c'est un Pix, ouais. Parce que il est pourri. Tu vas pas me casser les couilles longtemps, quoi. Alors. Bon, alors, Poussi, tu réponds? Ouais, alors, bah ouais, quand t'es milliardaire, tu peux te payer une femme de ménage, c'est sûr. Puisque tu es milliardaire, donc tu as des milliards. Donc une femme de ménage en général c'est pas très cher. Enfin si quand même. N'importe quoi. Est-ce que justement quand... Oh s'il vous plaît on se calme. Quand t'es plus riche est-ce que tu la payes plus cher? Ah ça dépend la qualité de la femme de ménage. Ah oui ça c'est sûr oui. Ah, ça c'est chaud. Mais t'as pas besoin de femme de ménage quand t'es milliardaire. Ah ouais en principe non hein. T'as assez d'argent avec la diète. Quand t'es milliardaire tu peux nettoyer tout seul. Ouais. Laurent. J'ai appelé les mégots chapeaux. Laurent. Oui. Oui, moi je le conseille, hein, franchement, faut être con pour être milliardaire et faire le ménage soi-même. Moi j'en ai une, je la paye des salons. C'est Alice. Oh voilà, tiens, attends, et qui c'est qui s'amuse avec son téléphone? Eh, Poussi, t'arrêtes ou Étienne et Guy, vous arrêtez là avec de bouger vos téléphones. Poussi, Étienne et Guy. Oh, c'est bon ça. Eh, hey, j'ai parlé là, je voudrais bien qu'on réponde. Ouais, on arrête. Ouais. Merci. Oui, j'arrête. Oh putain, l'autre, la voix de Tantous, celui-là, je t'explique pas. Enfin, ouais. Donc toi, Laurent, tu me disais que t'en avais déjà une et que tu l'as payée assez cher, c'est ça? Ah oui, je la paye plutôt cher, oui, moi je trouve. Hein, elle gagne 3000 balles par mois, sans frais, sans rien, parce que bon, au black, gérer, quoi. Au black, quoi, tu as fait. Toi, elle est déclarée, parce que je gagne de la thune sur elle, elle est handicapée mentale. Donc, Bah t'en profites pour sur les handicapés, bah je vais te dire au revoir. Mais non, pourquoi? C'est vachement. Moi je te dis au revoir. Non, je fais très au revoir. Ça y est, ça y est, parti. Laurent, Manu, ouais. Tu lui dis au revoir. Ça y est, elle est partie. Étienne. Ouais. Weekend à Rome. Bon, tu réponds. Attends, il y en a un qui connaît, c'est super cool. Il y en a un qui connaît, que je te demande, tu réponds la question et tu fermes ta gueule maintenant. Je te prendrai nu. À Rennes, si tu veux, il y a énormément de milliardaires qui ont énormément de femmes de chambre, de domestiques. Des femmes de ménage, espèce d'andouille. Bah oui, c'est la même chose. Ouais d'accord si tu veux oh, j'ai envie. Tu peux pas parler encore un petit peu moins fort comme ça j'entends rien encore. Ah bah écoute je suis désolé on a tous la. Tu parles plus fort c'est pas quand même quand écoute, pas Gérard, compliqué ce que je te demande. Gérard j'ai eu un accident. Ouais t'as eu un accident de la langue. Mais ouais. Ouais bah ça je vais dire une chose tu commences à me les gonfler hein. Il y a 2 ans je suis tombé pour la France et puis. Je suis... Bon alors Étienne au revoir comme ça tu iras tomber à Rennes. Tu iras tomber à Rennes, allez, bonne nuit. Pour la France, il y a 2 ans. Ouais, bah c'est bon, allez, Manu, tu lui dis au revoir et puis c'est tout. Tu me le coupes, lui. Tu le coupes. Anne-Cat, tu le coupes, tu demandes, tu regardes sur la fiche à Manu, il sait, Rigaud. Oui, Gérard, calme-toi, toi. Une question de touriste sur l'IRC, il voulait savoir, est-ce qu'on paye plus d'impôts quand on est milliardaire? Bien sûr, ça, oui. Ça, justement, c'est... Ah, toi qui es bien passé par là. Alors, du coup, il voulait savoir, quel impôt supplémentaire paye-t-on? Bah, de toute manière, vu ce qu'il déclare, de toute manière, il paye des impôts. Automatiquement, il en paiera des impôts. Il déclare pas. Bah ouais, mais attends, ça dépend de ce qu'il a comme revenu. Il touche quoi, lui? Il touche l'argent de la drogue. Ouais, bah, je réponds pas à des questions comme ça. Ça va plus vite. Ah, bah, Guy, on a personne, là? Manu. Il y a quelqu'un. Allô. Manu, il y en a. On a quelqu'un. Bah, on a toujours Guy Bédo. Ouais, Guy, et puis Poussy, c'est tout. On a Poussy Mitchell toujours. Et on a Millionnerito aussi. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle des Sainte-Marie-de-la-Mer. La fréquence 113.3. Bonsoir. C'est bizarre, la semaine dernière, lors de la nuit marathon, on a eu un auditeur de Sainte-Marie-de-la-Mer. Ah, c'est la famille. Et c'est bizarre, il a pensé me donner la fréquence. Ouais, mais moi je te dis, c'est 113.3, je te jure. Ok. Tu vois. Ouais. Donc Guy, tu veux répondre? Je suis en train de répondre, ouais, mais alors moi je te dis, c'est très logique. Quand on est milliardaire, on a forcément une grande maison, donc c'est obligatoire d'avoir des femmes de ménage. Donc forcément, on est même obligé d'en avoir plusieurs, parce qu'une, elle peut pas se taper tout le boulot. D'accord. C'est faux. Donc, et puis moi, j'en ai plusieurs, par exemple, mais je les paye au noir, je les paye que dalle, parce que bon, elles sont un peu émigrées, enfin bref. Ouais, d'accord. Je te signale, Pega, parce que tu dis quand même, il est quand même 1h du matin, parce que sinon, tu risques d'avoir des petits problèmes, j'ai forcé de te virer. Hein. Ouais, c'est vrai. Milio machin, là. Millionnerito, ouais. Ouais. Moi, je pense que, ouais, faut avoir des larbins quand même. Parce que nous dans la gitanerie, je veux dire quand on a de l'argent, quand on a de la caillasse, c'est pour en profiter. Donc tu vois, autant te faire servir quoi. Tu vois, puis bon, si tu fais des enfants avec ta femme, c'est pas pour rien, faut bien qu'ils servent à quelque chose aussi, tu vois. Excuse-moi, milliard du tout, je sais pas quoi là, tu fais quoi, t'es guise là? Ouais là j'ai guise là, ouais. Ah d'accord. Alors d'ailleurs. T'arrêtes, si ça te dérange pas, tu peux arrêter parce que je voudrais que tu répondes à la question correctement. J'ai une licence. Tu arrêtes déguiser s'il te plaît, merci. J'ai une licence de Rémoulin. Bon allez hop, bonne nuit. Je crois qu'il est en train de limer plutôt. Oh Manu, il va arrêter. C'est quoi la licence de Rémouleur. Ah. Par contre, j'ai un quatrième auditeur si ça vous fait kiffer. Ouais, bah, on va le prendre. On va le prendre avant la pause. Ok, c'est cool. On accueille Mazarine de Rothschild. Bonsoir. Bonsoir, Mazarine. Bonsoir à tous. Bonsoir. T'appelles d'où, Mazarine? Moi, j'appelle de Castres. La fréquence 102.5. Bonsoir, quand je vous dis, je vous demande de vous appeler d'où, vous me donnez la fréquence 102.8? 102.5, hein. Ah, 5, pardon. Voilà. Bon, donc. Gérard, sur l'IRC, on remonte, hein, on est arrivé à 7123. Voilà, ça va bien, ça. Noter. Et je vais essayer d'attraper une question vite fait. Il y a ZZ qui te demande. Ok. Il y a ZZ qui demande à Bernard, à mon avis, c'est à toi qu'il parle. Il dit que si tu penses pas que si t'étais milliardaire, tu pourrais faire élargir les portes de ton foyer pour permettre à ton facochère de circuler librement. Ben, ça, j'y répondrai pas, tu vois. C'est même pas la peine qu'à. Mais est-ce que tu le ferais? Non, de cette manière, je réponds pas à ça. Est-ce que tu te ferais faire les dents aussi? Mazarine. Ah, là, c'est milliardaire. Mazarine, c'est toi qui viens de dire ça? Mazarine! Ah non, pas du tout, hein. Je viens d'arriver, hein. J'ai une voix grave. Hein. C'est qui vient de dire ça? Tu viens de dire quoi? C'est là. C'est qui? Bonjour, c'est Moussaillon, c'est les innocents. J'ai la tête à Mitterrand, mais je suis bonne. Hein. Bonjour, c'est Joe Cocker. Je sens que tout à l'heure, je vais en saquer quelques-uns encore. Hein. Ok, super. Ouais, ben, vous allez répondre, parce que comme ça, comme. Bon alors, Poussy, au revoir. Ouais, c'est pas moi, Gérard. Si, j'ai reconnu ta voix, c'est qui là? Poussy quoi? Poussy Mitchell? Poussy Mitchell, tu dis au revoir. Voilà, comme ça on sera tranquille. Salut Poussy. Bon, donc la question c'est... Donc tout le monde a... Mazarine, tu veux répondre avant la pause? Non, je préfère la pause. Ah bah tu vas répondre tout de suite ou sinon je te dis au revoir avant la pause. Le problème c'est que la question a été mal posée, hein. Les domestiques. Je voudrais que tu me refasses la question, s'il te plaît. Tu fous de ma gueule? Pas du tout. Hein. Les domestiques. Non, bah, de toute manière, je ne répéterai pas la question. Bah, il était au standard. Bah, il avait qu'à écouter au standard. Mais non, mais j'étais avec Manu, là, il me parlait de ses préparatifs pour le mariage. Bon, alors, Mazarine, au revoir. Mais pourquoi? Au revoir! C'est un bordel. Voilà! Comme ça, on va être tranquille. Il nous reste Guy et je peux pas écouter un disque de Cure? Non. Alors, on va s'écouter. J'aime bien le groupe Cure. Je dis. La question. Je dis quoi? Tu dégages, on fait une pause, je me calme, je vais me prendre un peu de gâteaurade. Alors donc on va s'écouter le petit ton du caniveau avec donne-moi du mou dans tes fesses car ça brûle et on se retrouve tout de suite après au 0830 08 5000. Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. Fildar, c'est la dernière fois que tu me mets ce jingle-là avant que tu te prennes le portable dans ta gueule. Je te préviens d'entrer. Et tu arrêtes avec ta musique, Max, et avec la vie aussi. Ok, en de bon entendeur, salut. Bon, alors, pour la dernière fois... Salut, tu vas bien? pour la dernière fois ce soir que je vais encore gueuler, mais ça ne changera pas. Écouté, là, c'est bien. C'était le petit ton du caniveau avec Donne-moi du mou dans tes fesses car ça brûle. Voilà. D'accord, c'est sympa. Donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000. C'est Manu qui est au standard avec Anka, mais Anka va se réveiller un petit peu parce que ça commence à dormir et ça n'est pas bon. Donc les auditeurs, tu prends les numéros. S'ils veulent participer au débat, s'ils ont un téléphone fixe et qu'ils arrivent à comprendre ce qu'on veut dire, ils appellent. Sinon, ils restent chez eux. D'accord ? Mais je fais que ça, Gérard. Ouais, mais c'est pas la peine de les marquer. Je suis victime d'une injustice, je proteste. Ouais, mais. C'est moi qui poste le plus. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas toi qui prends les auditeurs, c'est Manu qui me les donne, d'accord ? Parce que pour l'instant, j'ai aucun auditeur à toi. Voilà. Ça va là, tous les deux ? Mais attends, on prépare l'émission, nous. Ouais, ben. Alors, on accueille Guy Bedos. Gilda ! Tu arrêtes avec ça, s'il te plaît, merci. C'est pas grave, y a qui d'autre ? Y a qui de vrai ? Alors, Nerito, là. Bonsoir. Philippe Risoli, t'appelles d'où ? 101.9. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Et Jean-Pierre Marielle. Oui, bonsoir les filles. La fréquence. Salut. 101.9 Paris. Putain, encore. C'est vraiment uniquement que du Paris qu'on a en ce moment. Mais c'est à Paris qu'il y a la jet set. Mais on s'en fout, moi je veux des auditeurs de province un peu. Oui, mais c'est à Paris qu'il y a la jet set. Mais j'en ai rien à foutre. Quand tu vas la fermer, ouais. La jet set de la campagne, lui. Ouais, je crois. Bah tiens, on va faire un sondage comme ça, ça va changer. Que doit-on faire pour rentrer dans... Oh bah non, je vais pas le faire celui-là. Pourquoi ? Jean-Pierre Mariel, c'est toi qui viens de dire ça ? Jean-Pierre ? Jean-Pierre Mariel ne s'abaisserait pas à dire des trucs comme ça. Si alors Philippe Risoli, c'est toi ? Ah non plus, hein. Alors ça doit être Milio Nerito. Non, j'y vois, c'est pas moi, moi. Ouais. Je reviens, celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça. On pourrait relever le débat un peu. Si je veux. Un coup de couteau papillon, attention. Philippe Risoli, au revoir. Non, c'est pas Rizzo. Manu. Mais c'est pas grave, fais le sondage. Non, mais tu lui dis au revoir, c'est tout. Ouais. Comme ça, ça ira plus vite. Alors, que doit-on faire pour rentrer dans la jet set ? 73% des gens répondent qu'il faut ramper le cul nu, bien sûr, pourquoi pas. 31% des gens répondent qu'il faut des tickets d'entrée, bien sûr. Bah oui. Bah, pour aller voir le film, il faut des tickets. 29% des gens qu'il faut être 7 et venir en jet, sinon on ne rentre pas, bah ça, en principe. Oh, jeu de mots. Oh, 17 estiment que je suis mal placé pour faire un... Ouais. Me faire enfourcher, bah ça c'est bien. Non, mais il faudrait que tu te tournes un peu. Bon, je t'ai dit d'arrêter avec ça, tu m'énerves, d'accord ? Arrête d'écarter les cuisses, ça fait du bruit. Donc, alors, la question. Quelqu'un de la jet set peut-il faire un crédit pour une voiture ou autre ? Et a-t-il le droit d'avoir un découvert ? Voilà. Guy Bedos. Ouais. C'est compliqué parce que moi, perso, j'ai jamais eu de découvert, hein, donc je non, sais mais... pas ce que c'est. Hein. Bon, mais... C'est normal quand on est... Attends, Guy Bedos, t'as quel âge ? On n'a même pas... Attends, t'as quel âge ? Hein ? Tu as quel âge ? Moi, j'ai 25 ans, si tu veux. Et je suis milliardaire, donc j'ai pas de découvert, quoi. Quelqu'un de la jet set peut-il faire un crédit pour avoir une voiture ou autre ? Ouais, à mon avis, ouais. Et l'autre, la deuxième question qui vient en même temps, c'est a-t-il le droit d'avoir un découvert ? Voilà. Ouais, à mon avis, il peut faire un découvert, ouais, s'il veut, ouais, mais c'est son problème, enfin, D'accord, eh ben c'est vachement bien ta réponse. Hein. Bah, écoute, franchement, moi je connais pas. Je te demande s'il peut faire un crédit pour une voiture haute. Pour le crédit, ouais, moi je te dis ouais. Ouais, tu me dis, ouais, d'accord, ben, je crois que tout à l'heure... Non, mon petit, ben non, on fait pas de crédit pour une voiture. Tu sais, celui-là. Un crédit pour un diamant, mais Marielle. Pas pour une voiture. Bon, Jean-Pierre Mariette, mais ça va, ouais, qu'est-ce que vous voulez dire, Pilar ? Oui, excusez-moi, les auditeurs, je vais te demander, si tu fais partie de la Jet Set, et que tu fais un prêt, c'est que t'as pas de thunes, donc t'es pauvre, donc t'es pas obligé d'être milliardaire pour être dans la Jet Set. C'est vrai. Bah ouais, mais non, mais c'est quelqu'un, j'ai précisé, c'est pas un milliardaire que je parle, c'est quelqu'un de la Jet Set. Ah ouais, attends, pauvre dans la jet set. Bah est-ce que tu peux faire un prêt? Est-ce que tu peux? Ouais, ça tu peux. Est-ce que ta gueule? Alors ta réponse, tu te la carres au cul. Ta question. Est-ce qu'on peut, quand on est pauvre, faire un prêt? pour rentrer dans la jet set. C'est une question pour comme ça on fait après on est riche et hop on peut y aller n'importe et quoi. Et après on rembourse. Pas d'état d'âme, hein. Pas d'état d'âme entre nous. Doucement, Gérard. Là, il est en train de débrancher une machine dont je ne me sers absolument pas. Il sait ce que c'est. État d'Amérique. Rigo, une question. Alors, une question. Durandal, il voulait savoir. C'est une bonne question. C'est pas grave, c'est la première que j'ai sous les yeux. Il voulait savoir ce que tu ferais pour aider le monde si t'étais milliardaire. Ah non, mais attends, je pose la question. Je croyais que c'était une question. Bon, Pildar, tu dégages des studios, je veux plus te voir. On parlait du monde, mais il y a le Figaro, Libé. Gérard, tout à l'heure, t'as pas voulu avouer que si t'étais milliardaire, t'achèterais un milliard de bières. Donc, pour l'humanité, qu'est-ce que tu ferais Je répondrai pas sur des questions comme ça, parce que c'est pas des questions qui portent sur le débat. Non, mais sérieusement, si toi, t'avais de l'argent, t'aiderais les gens, comment pas? Tu pourrais faire quelque chose. Non, mais ça, c'est mon problème. J'ai dit que je ne dirais rien sur ça. Si j'avais de l'argent, je ne dirais pas ce que j'en ferais, c'est tout. Ça, c'est mon droit. Voilà, c'est tout. Millionerito. Justement, je voulais dire, mais il n'y a pas... Ah, mais ça y est, hop. Il n'y a pas une association, les enivrants. Merde. Ils regardent ensemble et tout, ils font des trucs. Oh, ta gueule, toi, Guy Bedos. Quoi? Millionerito. Écoute, ouais, moi, je pense que déjà, si tu veux acheter une voiture, tu fais un chèque. Déjà, ça marche bien, à la place de faire un crédit. C'est vrai. Moi, s'il y a quelqu'un qui a besoin, j'ai des plans au niveau des caisses. Ouais, mais bon, faut voir. Ah ouais, non, honnêtement, j'ai des bonnes rentrées. Ouais. Et tu disais qu'en plus, l'histoire du découvert, j'ai des décapotables, hein, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ça, tu réponds carrément à côté de la plaque. Quand tu parles des découverts à des voitures, c'est... Tu réponds carrément à côté de la question. Attends, c'est une décapotable, c'est... Tu réponds à côté de la question. Non, non, mais par contre, pour aller dans le sens de Millionerito, c'est vrai que ça dépend quelle voiture t'achètes. Tu vois, si t'achètes une Porsche... Si tu prends une Twingo, franchement... Bon, allez, Guy Bedos, au revoir, ça t'apprendra de citer les marques. Allez, hop, terminé pour elle, ça fera une de moins. S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Jean-Philippe Rizzoli. Ouais. moi je crois que faut pas faire de crédit pour acheter une voiture, quoi. Si t'achètes une petite voiture, et bon, en même temps, tu peux faire un crédit avec des intérêts de 20%, t'es pété de thunes, tu t'en fous, quoi. Et s'il veut acheter autre chose? Une Twingo? Mais punaise! Ça vous arrive de répondre aux questions correctement, aux questions que je pose? Je réponds à ta question, hein. C'est ta question. Et je te demande, quelqu'un de la Jet Set peut-il faire un crédit pour une voiture ou autre? Et a-t-il le droit d'avoir un découvert? Putain, mais répondez correctement aux questions, sinon ça va plus aller, là. Comment on peut avoir un découvert? Évidemment, mais comment veux-tu avoir un découvert en étant millionnaire? Faut tout péter. Quelqu'un de la Jet Set! C'est pas un millionnaire que je viens de dire, merde! La Jet Set, ils sont millionnaires. Putain, mais c'est pas vrai, vous êtes borné là ce soir. GG, t'as vu le film? Non. Bah alors. Mais justement, on parle pas du film, nom de Dieu de merde. Vous me faites chier là. J'ai raconté dans la Jet Set, est-ce que c'est toi qui conduis ou t'as un chauffeur? Ah, j'avais la même question sur... En principe, c'est un chauffeur. Mais t'as pas besoin de bagnole, là. Non, c'est... on parle pas du film, mais me cassez pas les couilles avec vos questions de merde. Ouais, arrêtez. Putain, c'est qui sur l'IRC? Est-ce à la fin, GG? Ta gueule, toi. Toi, tu fais ton standard et tu fermes ta gueule maintenant. Ah oui, je fais les deux en même temps. Ouais. T'achèterais quoi, toi, si t'étais mis... Pour l'instant, il y avait une question. Je veux savoir sur l'IRC, c'est tout. Ben, je répondrai après à la question. On peut peut-être la faire tout de suite, la question. Alors, vas-y. De l'IRC, ils attendront un peu. Une question de stéréo. Il voulait savoir, pour s'inscrire à la Jet Set, est-ce que c'est comme pour s'inscrire au Club Dorothée? Ça n'a rien à voir. Faut être membre, faut ta carte. Ouais, là, je crois que Le numéro de monsieur Cadeau, si ça intéresse quelqu'un. Tout à l'heure, tu vas voir le numéro de monsieur Cadeau, que je vais te dire au revoir si tu me fais chier. Donc, ça va aller. 1000 bassistes en train de bourrer Ariane quand même. Alors, Philippe Rizzoli, au revoir. Allez, hop, Manu. Rizzoli, au revoir. Terminé pour lui. Il y a un auditeur qui avait une question pour toi, Gérard. Ouais, c'est Marcelito, donc je répète. Ouais. Si toi, t'avais plein d'argent, si t'avais de la caillasse. Qu'est-ce que tu ferais? T'achèterais quoi? T'achèterais une voiture ou autre chose? J'achèterais autre chose et je peux pas dire quoi exactement. C'est par exemple. Gérard, est-ce que t'aimerais faire à partir de la Jet Set? Non. Pourquoi? Est-ce que t'aimerais avoir de l'argent? Bah, en principe. En principe, hein. Donc Jean-Pierre Marielle. Oh, quel mec qui rêve, il voit loin, tu vois. C'est clair. Tiens Gérard, tu peux rentrer tes boules là, il y en a une qui est sortie. Millionnaire. Filard, t'arrête. Je te jure, tu vas le prendre avant la fin de la nuit, toi, le portable dans ta gueule. C'est pas beau à voir. Jean-Pierre Marielle. Oui, je suis là, mon petit. Alors tu réponds. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Tu me demandes et je te réponds, je suis comme ça, moi je suis sincère. T'as compris la question ou tu te fous de ma gueule? Bah moi je te dis que t'as pas besoin de faire un crédit pour acheter un yacht. Ah, et alors tu l'achètes comment? Et ton yacht, tu l'achètes en faisant des films, tu fais comme moi, tu tournes. N'importe quoi, ça. Ah, il a tourné, ouais. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai tourné, hey, j'en ai fait des films. T'as tourné dans quoi? Oh bah attends, dans la main de ma soeur, dans la culotte d'un zouave? Bah non, à nous les petites anglaises. Ouais, c'est ça. Tu te souviens pas? Ouais, j'ai ça. Ouais, excuse-moi, t'étais dans Jet Set? Lançage. C'est Lulu. Ah, je t'ai prévenu, hein. Attention. Qu'est-ce qu'il a acheté, là? Je sens Bic, sans pas faire un Bic. Ouais, bah tu l'envoies, là. Il y a le prix, 2 francs 40. Oh, non, putain, tu donnes fait ça. Un crédit. Est-ce que toi t'as fait un crédit pour avoir Manu, tu as payé ton bill? Bon, les auditeurs, les auditeurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention. Alors, on va accueillir 2 auditeurs. Ça pue par contre. On va accueillir Gerardo da Causino. Oh, la fréquence. Obrigado. La fréquence. Gerardo da Causino, c'est moi. La fréquence. La fréquence. Sans un point neuf, je ferme. Oh putain, quel connard ce mec. Ça ne dit pas. C'est la pas Brasil. Ta gueule. Manu, tu le calmes et il reviendra après quand je serai décidé celui-là. Je l'accueille, je le calme. Je l'accueille. Ah, Poké Pouce. J'ai envie de câlin, ça enchaîne de tous les côtés. J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin. Oh, j'adore ça. Moi j'ai un point. Quelle salope. Écoute mon petit. Doucement, est-ce que tu fais un bibi? Du coup, Gérard, pour calmer. Je sens que le débat à 2h, il va être terminé. Ça va durer jusqu'à 3h. J'ai vu Sandy décoré en Michelin. J'ai coupé, c'est pas moi. Tu dégages des sous. C'est bon, fais un break avec ta vie. Ouais, tranquille. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir dans les studios, tu dégages. Genre, laisse-le, je voulais te dire sur l'IRC, on a dépassé les 8500. On est 8736. Donc ça monte, donc on va essayer de rester tranquille. Et il y a une très bonne question de François sur l'IRC, elle est très bonne, attention. Il voulait savoir si les sportifs connus sont dans la Jet Set. Pas obligatoirement. Question de merde. Pas obligatoirement. Non, hein. Depuis la Coupe du Monde, ils sont dedans. Les gens bah attends, mais... Mais ça n'a rien à voir le foot avec la Jet Set. Non mais ils sont dedans maintenant. Mais ouais, mais d'accord, ils sont dedans, mais bien sûr qu'ils sont dedans. Mais ils n'ont pas besoin de jouer dans un film pour ça. Ça n'a rien à voir. Quel film? Est-ce qu'il faut jouer dans un film pour être dans la Jet Set? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais ouais. Non, ouais. Bah, si, bon, t'appelles d'où Pokémousse? Poképousse là. Du pays des Pokémousse. Du Pokémon Center, du Poképousse Center, pardon. Oui, c'est à Tokyo, vu la taille de ton téléphone. Ta fréquence 101.9, je suis en haut de la pompe en fait. Bonsoir. Rendez-vous à ça. Bonsoir. Je sens que Pokémousse. Par contre, j'ai eu Gerardo da Causino. Et c'est bon, je l'ai calmé, il est là. Alors, on va continuer. Donc, Gerardo, tu réponds à la question. Gerardo. Tu calmes, sinon tu vas en culo. Ouais. Je vais mettre un coup de capoeira, attention. Oh, ah, tu réponds à la question. Très bien, je pourrais te traduire. Tu peux, et Gérard, s'il te plaît, tu peux répéter la question. Alors, quelqu'un de la Jet Set peut-il de faire un crédit pour une voiture ou autre et a-t-il le droit d'avoir un découvert? Moi, totalement, c'est le truc qui a fait partie de la Jet Set, le découvert. Tu peux aller voir le banquier pisser à l'arrêt zigzag et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux quand tu es Jet Set, tu emmerdes les gens. Ok. Tu vois, et pour le crédit voiture, c'est exactement la même chose. Tu arrives, tu prends le crédit voiture, tu fais tout sur le autoradion de la voiture. Et voilà, c'est fait. Ça y est, ok, merci. Poké Pouce. Attends. Excuse-moi, continue, mon nom, ça me fait mal. Poké Pouce. Oh putain. Peut-être, il a pas besoin de faire de crédit, Gérard. Bah, tu peux expliquer? Bah, parce qu'il est pété thune, le mec, tu vois. Oh, mais ça va, là, tous les deux, là. On vous dérange pas? Non, ça va. Ça y est, ça m'aurait étonné. Hé hey, tu me donnes du son dans le micro ou quoi là-bas? Du son? Je suis connard. Gérardo, tu fermes ta gueule. Y'a ta femme qui est garée en double fil, elle gêne là. À qui tu parles, toi? À toi, enculé. Eh ben, va te faire enculer toi-même. Ah, c'est chaud. Allez, au revoir, Gérardo. Mais alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Mon petit. Alors, 7e question. Il y en a combien en tout? Il y en a 20. Non, chaud. Oh putain. Oh, c'est bon ça. Eh ouais, on dit jusqu'à 3h du matin, malheureusement. C'est sur quoi les débats déjà? Ta gueule. Là, non, mais répète-le pour les gens qui viennent d'arriver. C'est milliardaire et jet set. Mais je sais pas si on ira. On parle pas du film, non, enfin. Bon, quelqu'un de la jet set est-il obligé d'avoir un garde. Allô? Ouais, allô? Vous me laissez poser la question ou quoi là? Allô? Oui, ils sont là, c'est bon. Quelqu'un de la Jet Set peut-il avoir, est-il obligé d'avoir un garde du corps? On va demander à Poképousse. Poképousse une fois, Poképousse deux fois, Poképousse trois fois, au revoir. J'ai dit au revoir à lui, hein. Ah, c'était Poképousse qui faisait le... Non, non, mais Gérardo, il m'a traité d'enculé. Non, non, mais justement, c'est pas lui, c'est Poképousse qui est parti. Je suis enculé à toi. Mais ça va pas, je comprends un peu, je comprends pas ce mot. Il voudrait bien t'enfiler, quand même. Non, je veux pas enculer, mais qui dit ça? Moi, je comprends pas. Je vais un peu appeler l'ambassade Brésil. Bon, alors, tu réponds à la question. J'écoute toi, Gérard. Bon, alors, tu réponds à la question. J'ai répondu déjà. Non, mais c'est la 7e. Quelqu'un de la Jet Set est-il obligé d'avoir un garde du corps? Obligatoire. Obligatoire pour entrer. Pour entrer dans une discothèque. Pour entrer, c'est effrayer passage entre PTS pour fiance. Oui, bien sûr, il faut absolument garde du corps. Garde du corps, comme quand tu vas faire carnaval samba Rio de Janeiro. Ok. Il faut garder du corps. D'accord. Et hey, ouais. Sommes pour garder ton corps à toi. C'est bon. Jean-Pierre Marielle. Oh non, mais je crois que là, on est dans l'irréel. Imaginez Schwarzenegger avec un garde du corps. Alors où va-t-on? Eh ben, il y en a un, je crois, hein, à mon avis. Ça sert à quoi? Ben, c'est quelqu'un qui le protège en cas d'encadre. Ben non, mais non, je sais ce que c'est du coup, un garde du corps. Moi, je t'emmerde, PD. Mais si je le sers, pourquoi? Espèce de gros con. Espèce de petit trou du cul, hein. Tu le connais? Vas-y, balance des trucs. Oh non, vraiment, la Jet Set, la vraie, celle dont je fais partie. Mais pourquoi Schwarzenegger, qui est balèze et super baraqué, il aurait besoin d'un garde du corps? Et alors, ils sont tous obligés d'avoir des gardes du corps maintenant. Mais pas Schwarzenegger quand même, c'est l'homme le plus puissant du monde. Ouais, mais c'est ce que je dis, allez, bref. T'en as un, toi? Non, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Question IRC. Oui, ça monte beaucoup, on a dépassé les 9000, on est 9222, tout pile. Bien, bravo. Et il y a une question de ton cousin Caca d'Oiseau. Il disait qu'en tout cas toi Gérard, avec les 1,60 que t'as sur ton compte en banque, il pense que le moyen de moyenner que t'auras, ce serait juste d'entrer dans la Jet Set en Roumanie, voire au Pakistan. Bon, alors lui, c'est même pas la peine que j'y réponde à sa question, parce que c'est des questions qu'on se propose. La Tchétchénie. C'est ça, ben, il peut garder sa question, sa réponse, il ne l'aura pas. Millionerito. Excuse-moi, mais juste avant Gérard, est-ce que je me posais la question et je pense que... Tu permets, les auditeurs, ils ont priorité avant toi. Oui, il va dire. Alors, mais millionnaire. Comment s'habille un mec millionnaire, Rito? Ouais, bah écoute, ouais, je pense qu'il faut se faire accompagner parce que ça évite les émeutes. Moi, je pense que tu connais le problème. Je pense que si t'es un garde du corps, les mecs s'amusent pas à coller des affiches, distribuer des tracts et compagnie, tu vois. Il y a quand même un gars qui surveille, ça évite les cacas sur les paillassons. C'est vrai. Honnêtement, ça peut servir. Et tu peux entrer en jet set avec ta caravane ou pas? Ouais, je pense que c'est jouable. Pildar, tu fermes un peu ta gueule, tu laisses les auditeurs parler maintenant. Et je pense que t'as bien fait de t'équiper du dernier modèle de Molos quand même, parce que vu la notoriété que t'as atteint maintenant, il était temps, quoi. Hein. C'est vrai. Faut pas que tu joues avec ta vie, quoi. Protège-toi, quoi. D'accord. Ouais. Non, mais Gérard, il a le GPS. C'est lui. Ouais, mais. Je vais essayer de réfléchir deux secondes. Vas-y, Manu. On accueille Bruno Sodo. Bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Bruno. Sodo. Bonsoir Bruno. T'appelles d'où? J'appelle de Perpignan. Dans fréquence. En vacances. En 2.5. Excellent dans le film, Bruno, excellent. Je sais. Quel film? J'ai été doublé. Quel film? Alors, pour Bruno, t'as entendu la question, Bruno? Tout à fait. Bah alors, tu réponds? C'est sur les gardes du corps, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, moi, personnellement, j'ai pas besoin de gardes du corps, parce que bon, personne me tape, je suis petit. Je suis un peu une merde dans la vie. Et t'avais quand même Yvan la baloche avant pour te... Exact, il m'a sauvé du ruisseau. Ouais. D'ailleurs, je lui passe un petit... Il n'y a pas de bonjour, merci. À Yvan le bloc. Et donc voilà, ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai pas besoin de garde du corps, je me bats avec mes sourcils. D'accord, question IRC. Non, juste une suggestion d'un certain Manu sur IRC, il dit que toi qui sais pas quoi faire si t'étais milliardaire, il dit que tu pourrais payer une vidange à ton gros poids lourd. Alors ça, j'y répondrai pas. Bravo, quoi. Bravo. Une question de merde. Ouais. L'internet, des fois, c'est limite. Il s'appelait Manu. Ouais, ben ça m'étonne pas. Manu, ouais, là-bas. Sondage. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit sondage. On va me donner à notre auditeur. Pas du tout. Non, bon, alors on va faire le sondage. Ah bah d'où vient la jet set? Non mais d'où vient? C'est pas pareil. D'où vient? C'est pas qu'est-ce que la jet set? Ah c'est vrai. Alors 87% disent qu'elle est née pendant la révolution albanaise. Je vois pas du tout. Donc. Bref, 51% des gens pensent que c'est la sœur du Jet Li et qu'elle vient de Taïwan. 37% disent qu'elle vient de ton cul. Bah, ça vient du cul à fil d'art, ça m'étonne pas. 21% des gens estime que ça dépend des pays, ouais. Ah oui, ça... Ah oui, est-ce qu'il y a une différence de jet set entre les pays? C'est une bonne question, on peut y répondre maintenant, autrement ça sert à rien que je la pose. De quoi? Ben non, mais y a pas à poser de questions là-dessus, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Non, mais je te demande si la jet set est différente dans les pays. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce qu'il parle la même langue aussi, donc? La question, on l'a déjà posée, tu vas pas me prendre la tête avec ça, d'accord? Non, mais qui dit plusieurs jet set dit plusieurs langues de jet set. Ouais, hein? Est-ce que la ou dialecte. Croyez-vous que tout le monde je sais même plus pensez-vous qu'il y aura la jet set dans les années à venir? On va pas s'éterniser sur des questions pourrites. Est-ce que la jet set est international? Bah, on est en un pays. Mais est-ce qu'un Français qui est dans la jet set peut aller dans la jet set des États-Unis? Bah, de toute manière, j'en sais rien, bien sûr. Mais pourquoi? Oh merde, tu me fais chier avec tes pourquoi. Malgré le décalage horaire. Mais on s'en fout des décalages. Ouais, c'est qui? C'est Mars, c'est comment je m'appelle, Millionnairito, bien sûr. Toi, par exemple, si on regarde, t'es un peu millionnaire en copec, mais ici, t'es un peu un clochard quand même. Donc, bon, alors, Millionnairito, au revoir. Clochard, ça m'a des différences quand même. Au revoir. Et Fulda, les doubles sons, t'arrêtes. Merci. Oui. On n'a pas quelqu'un d'autre? Alors, on le prend tout de suite. Hein. On a Thierry Lhermitte, bonsoir. Bonsoir. L'Indien dans la ville. Tout va bien. T'appelles d'où? 52.1. C'est cela, oui. C'est pas en mégahertz, hein, c'est une vieille radio. T'es en grande onde. Mais quel ouais. est drôle. Ouais, je sais. Et c'est d'où, ça? C'est de Pithiviers. Pithiviers, 45, Loiret. Ouais, d'accord. ouais, j'ai eu mon bac en géo. Incollable. Tu es alcoolique. Et toi, gros con. Mais quoi, espèce de gros porc? Il a dit. Non, c'est toi qui l'as dit, espèce de gros con. Ah non, moi j'ai dit incollable. Alors, ferme ta gueule. J'ai dit incollable. T'as dit alcoolique, tu fermes ta gueule, espèce de gros porc. Rigo, ouais, avant que je lui repose la question. Non, vas-y, repousse. Non. T'as entendu la question, Thierry? Non. Alors, quelqu'un de la Jet Set, est-il obligé d'avoir un garde du corps? C'est fortement conseillé, même deux. Deux, ouais, à la rigueur, pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Bon, donc, prochaine question. Attends, tu viens de la poser, t'es ouf ou quoi? Mais non, mais ça y est, tout le monde a répondu à celle-là. Et toi, t'as répondu? Ben, je dis que oui, tout le monde, je dis quoi, que oui. Quoi? J'ai répondu à la question du garde du corps, qu'est-ce que tu me... Quoi, là? Ah non. Ah, c'est encore celle-là. Ben ouais. Ah ouais, on n'avance pas, alors. Donc... Ah putain. Donc, alors, écoutez. Donc, on va poser Attends, deux secondes. Avez-vous croisé quelqu'un de la Jet Set et qu'en avez-vous pensé? On va s'écouter les demoiselles pure porc avec nous sommes deux sœurs pucelles sous le signe de Zomo. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat. A tout de suite. Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Chocopip. Ça, et voilà, bien. Donc on vient de s'écouter les demoiselles Pureport avec nous sommes deux sœurs pucelles, nées sous le signe de Zomo. Et pour ça, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Et donc c'est la suite du débat donc qui passe sur les millionnaires et la jet set. Devant ton micro, hein. Pour ça, on accueille. On récupère Jean-Pierre Marielle. Bon, rebonsoir. Oh bonsoir. Merci, Fildar. Pardon. Jean-Pierre Marielle. Oui, bonsoir, mon petit, je t'adore. J'ai Gérardo. Gérardo! Ah, faut peut-être que je le rappelle, excuse-moi. Ah hein, je rappelle. Non, attends, c'est pas grave. Ah, non, je fais un test. Ah, mon petit. Ouais, donc, non, mais c'est pareil. Hein. Oh, tu me fais kiffer. Bah, je vais. Oh, j'adore ça. Non, mais c'est pareil. Hein. Oh, c'est super. Bon, Bon, Gérardo, ça y est, ça y est, il est là. Gérard, tout m'entends. Bon, t'as... Gérard, ouais, c'est bon. Bruno Solo. Wow. Bruno Solo. Putain, mais hey, tu me donnes du son, là, dans le casque. Je suis à fond. Non. Bah, c'est quoi, ce bordel? Bon, Gérardo, tu fermes un peu ta gueule quand je parle. Oui, bon, allez, tu lui dis au revoir. Tout ça, c'est bon, ouais. Pas tous en même temps. C'est vrai. Tu lui dis au revoir, c'est tout terminé pour lui. Hein. Allez, hop. Terminé. Bruno Solo. Bonsoir. Bruno Solo, pardon. Bonsoir, ça va bien? Et Thierry, l'ermite, là, je sais pas quoi. Ouais, l'ermite, salut. Salut. Bon, alors, vous avez entendu la question, hein? Non. Mmh. Ah, attends, fous-toi pas de ma gueule, Thierry, l'ermite, là. Barbie. 3-0 le Brésil. Bon, alors, avez-vous croisé quelqu'un de la Jet Set? Et qu'en avez-vous pensé? Tu fermes ta gueule. Jean-Pierre Mariel. Question. Oh. Bah attends, tu parles au milieu de tout le monde, j'entends pas tes questions. Non, avez-vous croisé quelqu'un de la Jet Set et qu'en avez-vous pensé? Bah ouais. Écoute, je me croise tous les matins quand je me regarde dans la glace, tu vois. Je fais partie de la Jet Set. Eh, tu commences à me casser les burnes, hein. Pourquoi tu veux jamais écouter les gens qu'on est trucs à dire? Bah attends, et l'autre, ça commence à bien... Et qui c'est qui arrive comme un porc? Bon allez, Bruno Sodo, au revoir. Mais non, mais attends, c'est pas moi, non. Non, c'est pas lui, je sais pas qui c'est. Bon, Gérard, pour... Oh, c'est fini, là. Pour calmer, je coupe, hein, je coupe tout. Pour calmer le débat, je change de sujet. Juste une petite citation de Yankee. Citation du débat, qui mange un chien, chihuahua. Ouais, bah, c'est pas mal. Ouais, ça, je vois pas du tout le rapport avec le débat. Bref. Bah, c'était pour le calmer. Thierry, l'armée. Ouais, moi, j'en ai... Je peux parler, j'en ai souvent croisé. Un petit blanc, s'il te plaît, les filles. Oh, tu fermes ta gueule ou quoi, toi? Qui c'est qui est dans un bar, là? On fait rigideuse. Bon con, ouais. J'ai connu une Polonaise quand vous vêtu les matins au petit déjeuner. Bon, Jean-Pierre Mariel et Bruno Solo et Thierry, c'est vous qui faites les clowns comme ça ou quoi? Ah, bah, tiens, au moins jusqu'à jeudi avec moi, j'ai envie de parler des riches, moi. Moi, je fais pas même pas. Bon, allez. Parler des riches. Manu, tu me coupes. Je coupe qui, moi? Jean-Pierre Mariel, tu lui dis au revoir, comme ça ira plus vite. Allez. Okay. Salut, Coco. Alors, il nous reste Bruno Solo et Thierry. Donc, Thierry l'ermite qui voulait répondre maintenant. Ouais, je disais, j'en croise assez souvent, j'en connais déjà beaucoup pas mal, mais le plus qui m'a marqué, c'est Jean-François Derek. Mmh. Ouais, mais ça, c'est dans le film. Non, c'est à Jet Set, ça. Ah non, je l'ai croisé à une occasion que je te dirais pas, parce que bon, c'est perso, mais non, mec sympa, hein. D'accord. Plus de camionneur et tout, mais mec sympa. Mmh. Ok. Bruno Solo, t'as répondu? Non. Bah, alors à toi. Moi, une fois, j'ai eu l'occasion de croiser Alice Sapritch et je l'ai emballée. Non, mais attends, je te parle de quelqu'un de la Jet Set. Bah ouais, elle était carrément dedans. Hein. D'accord. Elle était chaude. Ok, bon, on va faire un sondage avant de reposer une question, parce qu'il nous manque des auditeurs, on va attendre que Manu il nous en donne. Mmh. Ou quelqu'un se réveille pour me donner des auditeurs. C'est pas à gagner, hein. Peut-on traiter... Je suis complètement réveillé, moi. Ouais, non, mais on le dirait pas, parce que pour l'instant, c'est attends, dur. J'ai le téléphone qui est greffé dans la main, maintenant. Ouais, non, mais... On va peut-être aller de l'autre côté, puis on appeler. Donc, peut-on être viré de la Jet Set? Alors, 45% des disent non, car c'est fermé à clé. 33% disent oui, si on s'est gratté le fond du cul... Quoi? 33% disent oui si on s'est gratté le fond d'une veine... Avant de se fendre du ben avant de serrer la main. N'importe ouais. Quoi. 23 des gens répondent oui, car je ne suis plus en CDI, ça veut rien dire. Et 11% pensent que c'est plus grave, car c'est payé. C'est après Y et la Jet 8. Ben, pourquoi pas? Merci. N'importe quoi, répète, j'ai rien compris. Ben, c'est toi qui fais des sondages. Non, de c'est merde. Pas moi, c'est rigolo. C'est toi. Vas-y. Tu fermes ta gueule. C'est quoi? Tout. C'est 11% des gens pensent que c'est pas grave, car après, il y a la Jet 8. Je vois pas du tout le rapport. Oui, d'accord. Je sais pas, moi, faire des trucs comme ça. Alors, on va continuer, comme on a toujours... Ici, là, dans la ville. Bon, Manu, après, hein. C'est bon. On a Yvan Les Baloches. Ah. Et on a Puri Pousseline. Bonsoir. Yvan, t'appelles d'où? C'est quoi ce son? Bonsoir, c'est Yvan. Ouais, c'est quoi, là, ce son pourri, là? Ouais, mais c'est pas de notre faute, c'est Alan. Salut Yvan, c'est Bruno. T'appelles d'où? Bonsoir Bruno. J'appelle de Toulouse, 104.4. Pour dire bonjour. Bonsoir tout le monde. Et l'autre, Manu? Purée Pousseline. Purée Pousseline. Oui, bonsoir, j'appelle de Lyon. Purée Pousseline de Lyon. Pousseline de Lyon. Bonsoir Pousseline. Fréquence? 101.4. Moi, je connaissais sa fille. Ça m'étonnerait que ça soit 101.4. Elle est cochonne. Alors, avez-vous croisé quelqu'un de la Jet Set et qu'en avez-vous pensé pour Yvon et Purée Mousselet et Pousseline? Bonne question, ça. Ouais, c'est Yvon. Moi, un jour, j'ai croisé... Tu peux pas parler un petit peu plus fort dans ton combiné? Là, je suis à fond, là. Là, franchement, je peux pas faire... Alors, c'est les micros qui déconnent. Ouais, c'est les micros. Mais pars de bien devant, comme ça. Mais je suis devant, et c'est pareil. Lève-le un peu. Ah, putain, tu me fais chier. Voilà. Ah là, impeccable. Tu vas pas me casser les couilles longtemps. Ouais. Bon, bah, moi, je voulais te dire qu'une fois dans un aéroport, j'ai quand même croisé Darry Cole. Oh là là. Ça a rien à voir avec le film. Bah, non, mais grosse jet set. Hein. C'est la jet set Darry Cole. Grosse jet set. Darry Cole, c'est pas la jet set. Attends. Oh. Bah, c'est pour son même rebeu que moi, attention. Bah, là, je suis Bernard Ménez. Je sais qu'aussi il y avait Roland McDan aussi à une époque. Oh avait... Ça continue de donner des noms tout à l'heure, tu vas voir, tu vas vite gerber toi. Tu vas aller voir s'il y a des saucisses à Toulouse. Très belle moustache comme dans Jet Set. Tu oublies le grand Patrick? Ouais, non, mais je crois que là, ouais, on a quand même résumé les bases, quoi. Purée Pousseline. Ouais, bah là, moi, la seule personnalité que j'ai croisée, c'est Dick Rivers, qui m'a dédicacé ses pattes. Ouais, c'est chaud, j'ai un plaisir. Ouais, punaise. C'est Yvon, c'est pas, non, c'est... Un millionnaire est-il obligé de laisser un pourboire pour le service? On va demander... Ça, c'est la quelle question, ça? La 9. Non, tu vivrais pas. Hein. La 9. On est presque à la moitié du débat, déjà. Oh, yes. C'est bien, ça fait j'ai croisé aussi Gérard Cousin. Bon, alors, toi, tu... Yvon, au revoir. C'était dans le caniveau, ça. Purée Pousseline, au revoir. Ah non, c'est pas moi, Gérard. Si, ça y est, il est parti. Purée Pousseline, ça y apprendra. Moi, bon, Gérard, un truc qui a rien à voir, mais putain, on reste. C'est quoi, c'est sujet. Son pourri? On peut rien faire. C'est rien, j'espère que c'était pas moi qui t'appelle son pourri. Alors, nous avions une question de la touriste, elle voulait savoir si. Attends, une bonne question? Ça peut aller. Est-ce que tous les enfants de milliardaires sont obligés d'aller dans des écoles de riches? Et ça a rien à voir avec la question que je viens de poser. Oui, c'est une autre question. On n'a pas dit le contraire. Justement. Bah, de toute manière, pourquoi ils sont bien obligés d'aller à l'école s'ils veulent apprendre, hein. S'ils restent chez eux, ça sert à rien. Enfin, bref. Mais ils sont obligés d'aller dans une école de riches, alors? Bah non, ils ont pas besoin, ils peuvent aller dans n'importe quelle école. Ah, ils peuvent se faire rappeler, Gérard. Va falloir que tu gueules, hein, demain, toi, parce que là, c'est de la merde, la leçon qu'on a, hein. C'est pourri, mais catastrophe. Ça intéresse pas les auditeurs. Est-ce que... Ils ont des écoles, ils vont dans les moi, écoles. Moi, perso, je pense que, franchement, les enfants de milliardaires, comme ça, ils prennent des cours particuliers, quoi. Bah, il y en a qui prennent par correspondance, c'est leur problème. Parce qu'ils risquent de se faire raqueter. Non, un professeur qui vient chez... Non, dans leur château. Ouais, la rigueur, ouais. Si tu veux, ouais. Ouais. Bon, qui c'est qu'on a? Jérôme. Ouais. Bonsoir. Bon, Jérôme. Sinon, t'as la thune ou pas? Jérôme. Ouais. Moi. T'appelles d'où? Ben, Thierry, tu t'écrases parce que tu commences à me gonfler avec à t'amuser à chanter. Je n'ai rien dit. Ouais, ben j'espère. Oui, Jérôme. T'appelles d'où? J'appelle de Lens. La fréquence 104.2. Oh là là, putain, mais vous êtes borné quand je vous demande quelque chose, hein. Bah non, tu me demandes. Moi, un milliardaire, est-il obligé de laisser un pourboire pour le service de... Là, on va demander à... Oui, Jérôme. C'est moi, hein. Non, je n'ai pas... Allez, bonne nuit, tu veux comme ça, tu vas te coucher. Au revoir. Au revoir. C'est moi, Jérôme. Au revoir. Ah, Gérard. Pour répondre à ta question. Yvon. Attends, il allait répondre. Non, je lui ai dit au revoir, ça y est, pour nous chanter. Non, je laisse plus de chance maintenant. Non, mais moi. Tu vires tout le monde. Non, mais je veux pas le savoir. Allez, hop. Tu lui dis au revoir. Écoute, on prend question, c'est nul, on le dégage. La nuit, il est obligé de travailler maintenant. Yvon. Non mais il a NK, il a casse de merde avec NK, il prend des numéros de téléphone, on n'a aucun auditeur à elle. NK. Donc tu lui laisses passer NK. C'est bon ça. Elle appelle un auditeur, on le prend et c'est bon. Tout. Ok, d'accord. Un peu raide aussi. Alors okay. Yvon. ouais, bah écoute, ouais, moi je pense qu'il y a quand même des gens qui vivent des petites pièces jaunes. Non, Manu, attends, Yvon. Manu. Quoi? C'est pas du toi qui appelle les auditeurs de Ankan. C'est Ankan qui appelle ses auditeurs elle-même. Tu appelles toi-même tes auditeurs que t'as choisi. C'est pas le boulot à Manu. Parce que le jeudi, c'est moi qui décide. C'est moi mais qui commande. Je veux pas le savoir. Tu fais ce que je te demande. C'est pas Manu. C'est moi qui commande. Tu appelles tes auditeurs toi-même. Okay, Manu, il se débrouille. On va en appeler un. Pas de problème. T'inquiète. Yvon. Et bon. Oui, tu m'entends? Ouais, alors. Ouais, donc je te disais qu'il y a quand même des gens qui vivent des petites pièces jaunes que leur laissent les autres. Aussi bien les serveurs que les gens qui font la manche, hein, il faut le dire. Non, mais on parle pas de ça, on parle des milliardaires, hein, là. Bah ouais, on parle pas de ceux qui font de la manche, hein. Les milliardaires, ils laissent des pourliches comme tout le monde, non? Ouais, mais ça dépend. Non, mais je te demande, est-ce qu'ils laissent un gros. Est-ce qu'il reste un pourboire Un gros caca, ce qu'ils peuvent. Ouais, c'est quand même ceux qui sont pauvres, ils chient. Un peu désenculé parce qu'il laisse pas grand-chose. Ouais, mais ça c'est justement, c'est là la question. Je me demande pourquoi s'il laisse rien du tout, ça sert à rien qu'il laisse quelque chose dans ces cas-là. Thierry. Moi, je pense qu'ils sont pas prêteurs. Hein. Moi, je crois qu'il laisse rien aussi. Il y a un proverbe qui dit plus on en a, moins on en donne. Bah ouais, mais ça. C'est pas toujours vrai, hein, je suis d'accord. Ouais. Ça dépend des gens s'ils veulent laisser quelque chose. Ils laissent, de toute manière, c'est pas obligatoire. Hein, toi, Gérard, tu donnes ou pas, toi? Ah non, moi, je donne jamais rien, moi. Bah oui, à chaque fois que tu rentres, tu donnes. Tu donnes, toi. Non, on en a, moins on donne. Bruno Sodo. Non, mais moi, je suis d'accord, hein, avec l'expression. Sodo, ça me dit un truc. T'as pas joué dans un film? Tout à fait. Lequel? Bon, ça y est, on en a rien. Tu commences à me faire chier, tu vas au standard maintenant, tu m'en regardes. Non, j'arrête à Scankel. J'ai un auditeur. Ah bon? J'ai Richard Lalin. Richard Lalin. Non, Richard, tout court. Richard, t'appelles d'où? Salut Gérard, ouais, PD, j'ai un portable pourri. Ah, ouais. Ah bah alors, tu t'en vas. Ouais, hey, les portables. Au revoir. Non, tu lui dis au revoir, je veux pas de portable. Va te faire foutre, Gérard. Quand même, voilà. Bien l'auditeur d'Anka, bien. Avec un portable. Alors que j'avais dit que je veux pas de portable. L'animateur, l'enculé. Pas mal. Bon, Gérard. Pas mal, Anka. Il m'avait pas dit qu'il avait un portable aussi. C'est bon, maintenant. Tu reprends un autre. C'est vraiment. Calme-toi. Tu reprends un autre et c'est tout. Elle est nulle. On rentre dans ta cage. Vas-y. Et donc, il y avait une question de Jet 27 sur l'IRC. Il voulait savoir si la Jet 7 a les mêmes sponsors que le débat. Non. L'émission sponsorisée par les camions Balbo. En principe, non. Je ne sais même pas s'ils ont des sponsors, la Jet 7. Ah bah si, forcément. Je crois que c'est. Ils ont Ricard, Pastis. Ouais, je ne sais pas. Donc, Bruno Sodo. Oui, je viens de répondre. Tout le monde a répondu. Ouais. T'enchaînes là. Hein. Thierry, t'as répondu? Oui. Et Yvon? Ouais, vas-y, on le trouve. Aussi. Manu? On accueille Céro Michel. Bonsoir. Qui? Bonsoir. Qui, Céro? Ouais? Oui, Michel Céro. Monsieur Mazur. T'appelles d'où? J'appelle de Parignon. Bonsoir, ouais. Michel Leb. Parignon, sans problème. Merci, j'ai. C'est l'ordre et l'ami. Alors, un milliardaire est-il obligé de laisser un pourboire pour le service pour Michel Céro? Ah ben, je pense que oui, hein, mon ami. Le change. Ouais. Ah ouais. Change de cœur. Oh là, putain, mais c'est grave, c'est lui. Je me rends au perso, là. Ouais, je crois que. Non, enfin, on va changer de question parce que là. Mais fun, c'était bien avant. Alors, une personne de la Jet Set peut-il s'habiller chez les grands couturiers? Ah, voilà une bonne question. Là, là. Pourri notre radio, l'alcoolique. Miss. Alors, Bruno, Yvon, au revoir. Non. Au revoir. Attention, Yvon, tu lui dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était Michel Serrault. Au revoir, Michel Serrault. Michel Serrault, une fois Michel Serrault, deux fois Michel Serrault, trois mais fois. Je suis là, j'arrive. Alors tu réponds à la question. Il y a un mélange de bébé. Bien sûr quelqu'un de la Jet Set peut s'habiller n'importe où. Hein. Tiens, boum. Xavier, j'aurais dit. Tu t'habilles pas, toi, dans la cage au fond, non? Mais si, mais avec des plumes. Les plumes, je les trouve n'importe où. Je suis pas obligé d'aller chez un grand couturier. Bah non, c'est vrai. C'est vrai, Gérard, lui, il se fait des comment on appelle ça, des couettes en plumes de pigeon. Bah, sous les ponts, j'espère qu'il va répondre aux questions correctement, qu'on se marre un peu parce que. Non, mais arrêtons le débat tout de suite. Alors là, si je vois, c'est pas toi qui commande, mon pote. Gérard. Thierry. Gérard. Un sondage serait le bienvenu. Ta gueule. Thierry. Un sondage serait le bienvenu. Oui. Non, il y en a plus là, c'est le dernier, c'est le milliardaire. Ah ouais, non. Ouais, Thierry. C'est les gens qui s'habillent, ouais. C'est ouais. En général, ouais. T'as déjà vu de loin. C'est une personne de la Jet... Attends, je te coupe pour redire la question. C'est une personne de la Jet Set, peut-il s'habiller chez les grands couturiers, hein, c'est ça la question. T'as déjà vu... Mais faut dire des noms aussi, toi. Non, on dit pas de noms, Céro. Sinon, je te dis au revoir. Alors, Oui, je t'écoute. Même conseiller, c'est pas des charclos, hein. Ok, d'accord. Tu t'habilles pas au Secours Populaire? Moi, je m'habille pas au Secours Populaire et j'ai pas des fringues de... Menteur. J'ai pas des fringues de Secours Populaire sur moi, je te signale. De SDF. En ce moment, en plus, il y a les soldes et nous, tu vois, on est à côté de grandes boutiques, là, il y a de grandes marques. Bah, t'as qu'à y aller. Non, mais on voit des gens faire la queue. Est-ce que les mecs de la Jet Set, ils font la queue pendant les soldes aussi, même s'ils ont de l'argent? Ils sont obligés, hein, ils sont comme tout le monde. Hein. Bah oui, ça pourquoi fait la queue. Bah ils sont obligés de faire la queue. Hein. Non mais je veux dire, pourquoi ils font la queue pendant les soldes? Ils peuvent pas y aller quand il y a personne? Bah de toute manière, les soldes, ça dure jusqu'au mois d'août, ça dure Ouais, ça dure jusqu'au mois d'août. Ouais, mais eux, ils sont riches, ils s'en foutent des soins. Ouais, bah oui, ouais. Pourquoi ils y vont quand même, c'est bah ouais, parce qu'ils veulent, ils veulent changer de vêtements, c'est tout. Ils veulent se racheter d'autres fringues. Ouais, t'as un nouvel auditeur, Manu ? Ouais. Ou c'est un auditeur qu'elle a choisi ? Bah, c'est un auditeur Anka, mais. Ouais. On accueille Anne Roumenov. T'es dans un bar ? Anne Roumenov. T'appelles d'où ? 113.3. Attends, mais t'es où, là ? Sainte-Marie-de-la-Mer. On n'entend rien. Voilà, mais c'est quoi ce bordel qui est derrière ? Bah, c'est mieux, là. Bon, alors, Anne, donc, la fréquence, tu m'as dit ? Oui, 113.3. Non, 113. Ah, pardon. 113.3. Donc, la question, c'était... Bruno Sodo. Oui. Bruno Sodo, toi. Oui, bah, ils sont bien habillés, les Richards, bien sûr. Ah, non, c'est pas vrai, ça, alors là... Si. Ah, ça dépend, aussi bien franchement, que moi. Ça dépend. Ils ont les moyens, moi, je m'habille comme un fou. Tu es habillé comment, ce soir? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, toi, espèce de ton tremblot? J'ai envie de fantasmer, Oh, ça va, tu te calmes, toi, un peu, là. Sérieux, hein. Je te dirai, non, on va le garder un petit peu. Est-ce que tu as mis ton petit string, Bon, allez, hop, j'aurais dû le revoir, ça vaudra mieux, celui-là. Hop, bonne nuit. Voilà. J'ai beau des strings. Allez, hop. Fais gaffe, tirer, parce que toi, tu risques de faire comme lui. Oui, je t'imaginais, c'est tout. Machin chouette, là. Ouais, Anne Roumenov, s'il te plaît. Ouais. Donc, écoute, oui, normalement, il s'habille bien. Enfin, bon, ils ont un certain goût. Moi, par exemple, je m'habille comme une poubelle, mais bon, ça fait mode, quoi. Ça fait tendance, mais... Ah ouais, tu sors comme ça dans la rue, on est habillé comme une poubelle. Ouais, ouais, mais c'est la mode, si tu veux. La jet set, ils font comme ils veulent, quoi. Sinon, ouais. Mais on parle pas du film, hein, je te signale. Quel film ? Non, du tout, bien sûr, mais... Bah si, parce que là, t'as... Des gens qui font partie de la jet set. Oh oui. D'accord. Jet gazelle fougueuse. Donc, ouais. Oh, ça y est, Bruno Sodo, là, tu te calmes un peu. Merci. Rigo, ouais. Oui, il y a juste un certain fesse de babouin, je sais pas si c'est le vrai, il dit qu'en parlant de jet set, tu vas de jet set que tu vas gagner du pognon, Gérard, tu ferais mieux de retourner sur le trottoir, clochard. Dans ces cas-là, fesse de babouin, tu fais une chose, tu vas carrément dans ton coin de merdique et tu fais la pute. Voilà. Ouais. Et on est combien sur l'IRC ? Avec la mère à Gégé. On est remonté. Et bienvenue sur le répondeur de Monsieur Mazur. Un répondeur ouvert à tous et à toutes 24 heures sur 24. C'est cool. Wow. Pour avoir des renseignements sur ce qu'il se passe. Combien qu'on est, on s'en fout de ça. La lambada version poil de cul, tape le 2. Le 2 ? Ok. 1. Tu as choisi le 2. Nous allons te faire écouter la version Lambada poil de cul interprétée par Gérard Cousin et son orchestre. Pour démarrer l'enregistrement et le diffuser, tape sur la touche étoile. Fildar, tu arrêtes s'il te plaît, merci. Tapez toi-même. Fildar, tu arrêtes s'il te plaît. Une fois. J'ai coupé. Quand je te dis de couper, tu coupes ou sinon t'as ma main dans ta gueule. Mais j'ai coupé. C'est la dernière avertissement. Mais Manu, c'est pas moi. Sur Lambada, poil de cul par Gérard Cousin. Mais Manu. Maintenant, si tu veux. On est combien sur l'IRC ? Sans compter sur le répondeur de Monsieur. On est combien sur l'IRC ? Tape le 618. 9747. Ah mince. Tu as choisi de dépenser ton argent sans compter. Bon, la question. Si tu es au RMI, Anne Romanov. Une petite. Oh, tu me mets les auditeurs. Mais Manu, c'est lui. Bon, allez, moi je cherche Max. 1%. Non, mais arrête-le, coupe-le. Ça y est, il est coupé. Il a coupé. Max. Il a coupé, écoute. Non, reviens, il a coupé. Reviens, le colis. Il fait des conneries. Ah. Allez hop, tu dégages. Mais quoi? Mais j'ai rien fait, c'est Manu. C'est Manu, il passe Mazur. Il faire des conneries, là. Passe le répondeur Mazur. Mais non, c'est pas moi. C'est peut-être Anka. Non, mais il a coupé. Fait que des merdes, Anka. Attends, c'est pas si c'est Rigo, là. Là, ça peut être que Rigo. Non, c'est pas Rigo. Ton micro, tête de blé. Je me souviens, moi. Non, mais là... Ton micro, allume. C'est l'autre. De manière, c'est des sons pourris qu'on a ce soir, alors c'est pas grave. Non, mais il s'amuse à balancer des trucs de Monsieur Mazur avec mon nom de famille à l'antenne. Lui, il va se prendre ma main dans sa gueule avant la fin de la soirée, lui. Non, il a pas dit ton famille. Toi, il a dit pourcent. Tu fermes ta gueule, tu vas au standard maintenant, espèce de petit pédé. Alors tu te dépêches. Je te permets pas. Tu vas au standard, tu fermes ta gueule. Oh, t'as denti le week-end dernier. Tu vas au standard, tu fermes ta gueule. T'es homophobe. Au standard. La guépride. Au standard, je continue pas. Au standard! Allez, Gérard! On est un terrain d'entente là! Gérard, on est 9700! Fildar au standard! Enchaîne, Gérard! Fildar au standard! Tu vas pas avoir les 10 000! Tu Tu prends des auditeurs, tu dégages de l'area, je veux plus te voir là. Qui va faire là, Olivier? Non, c'est Manu. Oh non, ça pue du bec. Non, allez hop. Si tu trouves que Sildar est un petit PD, appuie sur la touche 18 de ton téléphone. Ok. Sildar, gros PD. Sildar, gros PD. Et à part ça, c'est pas toi qui le fais. Non, celui-là. Non, alors tu... Manu, tu vas maintenant, à l'arrière. Si tu veux avoir des renseignements sur les cures de désintoxication... Coupe. Appuie sur le numéro 1. Coupe. Okay. On va faire une pause, je le sens. Mais non, je coupe, j'essaie de le couper. On va se faire une... Les cures de désintoxication. Coupe. Arrêtez. C'est pas moi, Manu. Allez hop, tu m'envoies le disque. J'ai coupé. Tu entends un disque qui est terminé. Non, j'ai coupé. La pause. J'ai coupé. Pause, je vais pas savoir. J'ai coupé. Mais j'aurais dit que ça commence jeudi. De manière, d'où vient le mot Jet Set, on l'a dit, donc maintenant c'est plus la peine de... Bah si, on va voir ce que les auditeurs nous disent. T'as un nouvel auditeur? Non, pas pour l'instant, dans tout ce bordel. Bon, alors, d'où vient le mot Jet Set, Bruno Solo? Jet Set, d'où ça vient? Alors là, je crois que ça vient je l'ai dit, tout à l'heure. Ça vient de l'américain, non? Non, je l'ai dit. C'était quoi, Gérard? Essayez de chercher, Alors, on va chercher, attends, bouge pas. C'est un rapport avec l'euro 2000. De toute manière, voilà. Ça y est, elle a trouvé. C'est qui, c'est Thierry? Non, moi je suis Anne Roumenoff. C'est toi qui... j'avais posé la question à Thierry. Ah bon, c'était quoi la réponse? Alors en fin de compte, je redis la définition qu'on a eue sur l'inter... C'est pas un plan du genre baccalauréat. Non, c'est élite cosmopolite, puis faisant fi du temps, mais obsédé par l'argent, mode de transport jet privé. Ah d'accord, c'est comme nous, sauf qu'on n'en a pas, quoi. En fin de compte, c'est tout ce qu'on a pu avoir comme définition. Dans la définition, il y a eu un terme faisant. C'est personne. Faisant fille. C'est faisant, oui. Avec un E. C'est le truc qui sent mauvais, là. Non, je sais pas. C'est ce que j'avais demandé à Anka. C'est ce qu'Anka m'a trouvé sur l'internet. Il n'y a rien de personnel. Non. Donc, la question, ouais. Ça y est. Ça veut dire quoi, Gérard? Parlez pas tous en même temps parce qu'on comprend rien. Manu, oui. Tu serais Kramsy, Manu, ou quoi? Non, pourquoi? Je sais pas, t'as les mêmes. Manu! Non, parce que je fais tomber. Ouais, Manu, ouais. Tu tombes dans le mic aussi en boîte. Non. On accueille Jeune Vert Solidaire. Oui, bonsoir. Quoi? Jeune Vert Solidaire. Oui, bonsoir. Jeune Vert, ouais. T'appelles d'où? J'habite en face de la prison de Fresnes, 9-4. 101.9. Et je te dis bonsoir et je te dis Nam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va faire la petite pause. Mais tu me donnes le... T'as des KitKat ou pas? Tu me donnes la fiche. C'est du Twix, c'est un deux doigts. De toute manière, la question... Tu viens de la poser la question, parce que t'as accueilli les Bah ouais, mais non, mais tout le monde a répondu, on l'a donné déjà dès le début, la fréquence. C'est quelle question, là, que tu fais? La 12. Manouche. On est à la 12, là? Bah ouais. C'est le piano, il reste une heure. Bah ouais. Dans ce cas-là, on met deux disques là. Ah non, tu vas encore partir. On met deux disques. C'est vraiment une feignasse quand même. Bah tu vois, on met qu'un disque à chaque fois, là on va mettre deux disques. Bon, allez, on peut mettre celui-là. C'est la fête. Là, tu mets celui-là, puis tu mets. Non, celui-là, ce sera en deuxième. Mais t'inquiète, ça arrive. Alors donc, c'est quoi ça? Tu sais qu'elle a été chercher des titres comme ça? Manu! C'est quoi ça, Manu? C'est quoi le titre? Je pense GG Sodo à la loco avec dans mon pot de Clodo, j'en ai pris des kilos. On va s'écouter ça, mais si c'est pas ça, vous verrez ça après avec Fildar. Donc on se retrouve après. Donc la question que je vais vous poser, c'est quelqu'un de la Jet Set peut-il faire du cinéma? Un caca de Jet Set, non? Que d'autres personnes. Et on se retrouve tout de suite après aux 0803 08 5000. On s'écoute deux disques et on se retrouve tout de suite après. SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Ah oui, excuse-moi, mais on me l'avait calé, j'ai pas fait attention, excuse-moi. Ouais, mais t'es prié de plus repasser ça, d'accord? Je sais, c'est mon boulot. Ouais. Donc, on venait de s'écouter Mambo, oui. Et avant c'était... C'était Loulou Béga. Loulou Béga, et avant c'était... Loulou Béga, pas Loulou. Mais Loulou, écoute. Oui, c'est moi. Loulou Béga. Mais dis Loulou. Oui, c'est moi. Loulou Béga. Et avant, c'était écouter GG Sodo à la loco avec dans mon pot de Clodo. J'en ai pris des kilos. Voilà. Donc, suite du débat. Donc, vous pouvez toujours appeler au 0803 08 5000. Et pour en finir, on a toujours Bruno Sodo. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Thierry. Rebonsoir. Anne Roumaroff. Ah oui, bonsoir. Et fine vert. Non, jeune vert solidaire. Ouais, jeune vert. Bon, alors la question c'est, quelqu'un de la Jet Set peut-il faire du cinéma que d'autres personnes? On va demander à jeune... Gérard, j'ai pas compris. Quelqu'un de la Jet Set peut-il faire du cinéma que d'autres personnes? Voilà. Que d'autres personnes, c'est-à-dire? Que d'autres personnes, c'est tout. Non, je veux pas la fin de la phrase, c'est ça. Il manque des mots, je crois. Que d'autres personnes. C'est un rébus, voilà. C'est une phrase à trous. Donc, jeune vert. Ouais, bah moi je pense que des autres peuvent faire du cinéma parce que sujet, verbe, complément quoi. Ouais, je suis moi, d'accord. Je pense que ça suffit largement, complément d'objet direct ou indirect, peu importe. C'est de la, Anne. Une construction de base quand même. Anne, on a. Ouais, moi je pense que c'est pareil que les autres. La jet set, mais pas tous, hein, pas tous. Il y en a certains qui peuvent pas, mais il y en a certains ouais, qui peuvent. Ouais, mais excite, toi. Que des autres. Que les autres, exactement. Ouais. Ouais. Thierry. Excite bien comme il faut. Oh, ça va, jeune vert solitaire, parce que tout à l'heure tu as dégagé. C'est pas moi. Thierry. Moi, je pense que il y a des gens de la jet set qui devraient s'abstenir de faire du cinéma. Oui, c'est vrai. On n'aimera pas. Hein. Sous prétexte qu'ils sont dans la jet set, ils font du cinéma alors qu'ils jouent comme des burnes, quoi. Ouais. Et Bruno Sodo pour Et terminer. Je ne veux pas dire de nom, hein, Bruno. Ouais, on parle pas d'Ophélie Winter. Non, Bruno Sodo. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais pourquoi ils ont de l'argent et pourquoi ils font des films? Que des autres. C'est la question que je te pose. Pourquoi l'argent, ils font des films? Et alors, c'est moi qui pose la question, c'est pas toi. Bon, bah voilà, c'est ma réponse. Bah ok. J'enlève le point d'interrogation. D'accord, donc tu veux un sondage. Alors, peut-on être milliardaire et ne pas faire partie de la Jet Set? 99% des gens répondent. Ne me répondent pas car il y a de la équipe du Big Bill sur le Rediff, c'est n'importe quoi. C'est bien des conneries de fil d'art. Du Big Bill sur TF1, 55% estiment que cette question est incompréhensible, bien sûr. Bah 41% oui, c'est vrai. Répète la voix. Me demande si j'ai pas 10 francs pour le caddie à machin chouette. 16% sont. C'est Gérard, ça sert à rien que tu le dises, tu dis n'importe quoi. Ouais, ben ça sert à rien de me mettre des images de merde convenablement. Ta gueule. Nous, on est dans le studio, on comprend rien. Ben, c'est vrai. Moi, je lis pas des relis sondages. Convenablement, je lis pas des sondages de merde. Mais c'est pas des sondages de merde, tu les comprends pas, c'est tout. Ouais, ben quand tu parleras. Quand vous arrêterez de sortir le pont de l'Allemagne et Carrefour, tu me feras signe d'accord, espèce de petit con. Alors maintenant, tu fermes ta gueule. C'est quoi l'allusion avec le pont de l'Allemagne? Tu fermes ta gueule. C'est quoi l'allusion? Alors, quelle est la différence entre un bon et un mauvais milliardaire? Alors, 92% des gens pensent que c'est au niveau de l'épaisseur de la moquette dans les chaussures. Bien sûr, tu mets de la moquette dans les chaussures, t'as n'importe quoi. 88% des gens estiment qu'il n'y en a pas, ils sont tous les deux aussi cons que moi, ben ça c'est bien pour fil d'art. 37% des gens pensent que le mauvais milliardaire met des fausses marques comme déballe ton Adidas. ça c'est vraiment un sondage. Débathlon. Tu connais pas la marque Débathlon? Ta gueule. Et Adidas. Et 0% me demande de passer à la question 7 parce que je commence à... À ce niveau, je sais pas. À suinté. Ouais, ben, moi je t'emmerde et ça, c'est des sondages pour eux. T'as raison, hein, ça c'est un peu. Gérard? Voilà. Une petite question de Rocco quand même sur l'IRC. Excuse-moi, c'est une bonne question? Oh, Manu, tu fermes ta gueule, tu fais ton standard. Ça peut aller. Donc Rocco qui demande, est-ce que les enfants des membres de la Jet Set sont aussi membres de la Jet Set? Et donc, est-ce qu'il y a une jet set pour enfants? Ben non, il y en a pas. S'ils font partie du membre de la jet set, ils sont de la jet set. Hein. Mmh. Oui, mais les enfants. Ben, je viens de te répondre. Je viens d'y répondre à sa question. Non, mais ils peuvent aller, tu sais, au lieu d'aller en colonie de vacances, peut-être qu'ils vont. Je sais pas moi. Là, ils ont plus d'argent, ils peuvent aller plus loin, genre Philippines, Tchétchénie, quoi. Ben, tu ferais mieux d'y aller, ça te ferait du bien un peu là-bas. Encore faut-il être certain. À votre avis, comment fait-on pour rentrer dans la jet set, Bruno Solo? Comment on fait pour rentrer dans la jet set? Par le cul. Oh, ça suffit ça. Je sais pas du tout, hein. Parce que si j'avais la recette, je l'aurais fait. Hein. Non, mais je te pose la question, donc tu essayes de répondre quand même. Gérard, et on peut leur demander, parce qu'en fait, c'est l'histoire du film, on va pas en parler, mais c'est l'histoire, donc est-ce que quelqu'un a vu le film, qu'on en parle? Ah non, moi j'ai vu Gladiator, c'était pas mal. Hein. Ouais. Personne n'a vu Jet Set? Moi j'ai vu Human Traffic, c'était encore bien fait, fringue. Ah là là, et bon, parce que l'histoire du film, c'est un mec pauvre qui essaie de rentrer dans la jet set et y arrive. On parle pas du film. Donc tout le monde peut y arriver. On n'en parle pas. Mais c'est un exemple pour dire qu'en fait, tout le monde peut y arriver. Ouais, mais c'est un film d'art. C'est pas la vérité. Bon, Thierry. C'est vrai, c'est pas de la vraie drogue et tout. Thierry. Ouais, je réponds pas à ta question. Je voulais savoir si t'allais pouvoir faire tes débats de ta maison de cure des Alpes. Bon, alors Thierry, moi je te dis en vrai. C'est déjà géré. J'ai déjà prévu la vanne et quelqu'un derrière. Voilà, quelle forte. C'est dingue. C'est formidable, c'est ça. Ça s'appelle Yannick. Yannick, t'appelles d'où ? En haut. En bas. T'appelles d'où ? À droite. Uh-huh. À gauche. Bon, tu le cannes, tu lui demandes d'où qu'il appelle. Il a pété un plomb, il a un million. Il a un million de singles. J'appelle des MJC en Avignon. Ouais. La fréquence. Je suis en gala. Quoi ? Tu te lâches, fréquence d'Avignon. Je suis en train de foutre. Bon, allez. Je suis en haut, en bas, à gauche, à droite. Uh-huh. Bonne nuit. C'est un rappeur groove. Tu lui dis au revoir, hop. Il répondra même pas aux questions, celui-là. Ouais, il fait danser. Mmh. Ouais. Ouais, Yannick, j'aime ta maille. Hein. Bon, Anne Romanov, tu réponds à la question. Ouais, bah alors écoute, moi, ça va paraître très con, hein, mais pas moi, temps, je suis rentrée dans la jet set parce que j'ai couché, quoi. Mais bon, c'est un peu partout pareil, quoi. C'est promotion canapé, quoi. D'accord. Cochonne, ah, il y a des promos au canapé à Darty, là. Jeune vert solitaire, pour finir. Solidaire, s'il te plaît. Ouais, moi, je pense que c'est quand même beaucoup, comme l'a dit la jeune fille, là. Elle est un peu cochonne, parce que promotion canapé, c'est quand même... On va te biser. Ah oui, mais... Jeune vert solitaire. Ça m'étonne pas de... C'est ce que t'as, Gérard. Ta gueule, toi. Donc, pour... alors, c'est Ténia, là. Bon, ça y est, c'est ta réponse. Ouais, bah oui. Tiens. Ok. Je pense que ça se fait pas. D'accord. Alors, quelqu'un de la jet set. Attends, mais toi, est-ce que t'as des conseils, toi? Ouais, non, j'ai pas de conseils. Non, mais comment t'as fait, toi, pour entrer dans la jet set? Mais je sais pas s'il est rentré, mais est-ce que tu. Est-ce que t'as des conseils? C'est un peu une star, quand même. La mascotte, plutôt. Attends, t'es allé à New York voir Godzilla. C'est vrai, t'es de la jet set, mon pote. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Mais si, t'es de la jet set. Est-ce que t'as des conseils? Ça n'a rien à voir. Concentre-toi sur ce que je te dis. Mais ça n'a rien à voir, je te dis. Mais est-ce que t'as des conseils, je te demande. Mais j'ai pas de conseils à leur donner. Comment, à ton avis, on peut rentrer dans la jet set si on n'y est pas? Mais moi, je te dis non. Comment on c'est peut tout. Mais je te dis non, tu vas pas me casser les couilles avec tes questions de merde, toi. Mais comment on peut? Je te dis pas, moi, tu me réponds pas non. Mais je te dis merde, c'est pose, tout. Rigo, pose la même question, s'il te plaît, ça passera peut-être mieux. Oh putain, tu me casses les couilles avec tes questions de merde. Non, laisse-moi. Non, mais comment que Gérard donne des conseils par rapport à Internet, parce qu'il y en a plusieurs qui. Mais il pose des conseils pour rentrer dans la jet set, on n'est pas dedans. Mais ta gueule. C'est tout, tu fermes ta gueule et c'est tout maintenant. Tu me les casses pas, Gérard, s'il vous plaît. Sur IRC, ça monte, on est 9924. Oh là là, on est bientôt au record. Mmh. Ouais, surtout qu'il reste plus que si... Il y a pas mal de gens qui te demandent, Gérard, tu m'écoutes, si tu pouvais donner des conseils aux gens pour rentrer dans la jet set. Mais c'est pas la peine, c'est pour répondre à sa question, j'en ai fait rien, alors tu fermes sa gueule aussi, lui. J'ai pas de solution miracle à leur donner, c'est tout. Bon, on le saurait. Hein. Il y en a pas. Alors maintenant c'est tout, 14e. Pour un petit beau cheveu. On récupère quelqu'un. Oh bah, on accueille Bébel. Bonsoir. Allô. Bonsoir Bébel. T'appelles d'où? Madamoum, bonsoir. T'appelles d'où? Moi, coucou. Tu appelles d'où? Roland Garros. Bonsoir Didier Gustin. C'est fini Roland Garros, Bébel. Ouais, alors ils m'ont oublié. Tu appelles d'où? Excusez-moi, je vous. Paris. Je vous arrête parce qu'au standard, on me harcèle pour. Ils aimeraient. Ils sont non, non, non, jet tu fermes ta gueule. Tu fermes et ta en fait, tu ils aimeraient avoir gueule. Quelques conseils, Gérard, pour pouvoir rentrer tu fermes ta dans ce milieu très fermé. Ouais. Tu fermes ta gueule, c'est faux. Qui n'est pas comme ton ticket. Alors, tu fermes ta gueule qui est très ouvert. Toi, tu vas faire enculer. Oh, mais non. D'accord. Ce soir, 14e question. Anne-Ka, je crois que. Non. 14e, quelqu'un de la jet set. On demande à Anne-Ka au standard si tu peux donner quelques conseils. C'est plus là, non. Dans ce milieu très fermé qu'est la jet set. Gérard. Non, tu prends ma gueule. Avec son casque. Tu prends ma gueule. Gérard sent. Allô? Il y a personne. Tu vas te fous de la gueule du monde ou quoi? Mais tu l'as cochonné. J'avais personne, t'es une menteuse. Vas-y Gérard, insulte. Gérard, t'es une menteuse, alors fais gaffe parce que tout à l'heure tu vas sortir et ça va aller plus vite pour toi. Quelqu'un de la jet set. Gérard, sur Minitel. On en a rien à foutre. Quelqu'un de la jet set. Info. Quelqu'un de la jet set a-t-il le droit de faire des cascades? On va demander à Bruno Solo. Ça tombe bien, la bébelle, c'est cool. Tu peux peut-être donner des conseils. Bruno Solo. Bah, je préfère laisser, enfin... Non, tu réponds. D'accord, bah oui, les cascades, pourquoi pas. Mais est-ce que putain, mais vous êtes borné ou quoi, là? Non, mais je vais écouter Bébel, c'est un cascadeur. Tu réponds à la question, c'est tout. Il a roulé un patin à Nice. Bon, allez, hop, au revoir. Allez, Bruno Sodo, au revoir. Il allez. Bonne nuit. Allez, hop. Oh, celui-là, il commence à m'énerver depuis tout à l'heure. Allez, hop. Anne Roumanoff. Moi, j'aimerais savoir ce que tu appelles des cascades, parce que c'est quand même un terme assez... Cascade, c'est-à-dire avec les voitures et tout ça, parce qu'il tourne avec des voitures. Non, avec les voitures, il n'y a pas de cascade avec le corps, on peut faire des choses... Oui, je pense que ceux de la jet set, ils savent faire des cascades à la ouf, quand même. Quand ils se retrouvent dans leur soirée et tout, franchement... Ok. Ouais, Manu. On accueille La Pousseau, bonsoir. Tu nous gères, toi. Salut, Jean. Salut, Régine. La Pousseau, t'appelles d'où? J'appelle de Paname, Régine Junior. Avec des Parisiens, là. Ça chantait, tu m'oublieras, je pense. Non, il y a, à part Anne Romarov, c'est tout. Sinon, on n'a rien que Paris. Ouais, mais elle a percé à Paris, elle est repartie. Pour finir le débat, là, il reste 6 questions. Et, Vas-y tranquille, hein, tranquille. Ouais, tranquille, on peut peut-être prendre une petite question d'un certain Manu sur l'IAC. Il voulait savoir si tu pouvais donner des astuces. Putain, ils me cassent les couilles avec leurs questions, là. Je répondrai pas, j'ai dit, c'est pas la peine d'insister. Bon, Genevers solitaire. J'ai oublié la question avec tout ça, GG. Non, mais je la répète plus. Un jet setter. Quelqu'un de la jet set a-t-il le droit. Monsieur Mazur. Quelqu'un de la jet set a-t-il le droit de faire des cascades? Je ne réponds plus, je ne répéterai plus les questions. Honnêtement, moi je pense qu'il faut faire attention, parce que les gens de la jet set, c'est quand même des gens qui ont un physique. Faut pas renier, on parlait de Régine tout à l'heure par exemple, c'est des physiques qui se préservent quand même. De quoi? On parlait de Régine tout à l'heure. De Régine? Ouais, c'est des physiques quand même qui se préservent. On a parlé d'Alice Sapritch aussi. Non, alors bonne nuit. Pourquoi? Tu lui dis au revoir à Genevers solitaire. Pourquoi? Parce qu'il donne des noms de personnes que. C'est un exemple. Mais moi je te dis au revoir. Non, mais c'est Alice Sapritch, tout le monde la connaît. Mais tu lui dis au revoir, c'est toi tout le monde. Belle! Attends, ta question elle est un peu et tu me poses à moi. Bien sûr qu'on a, on peut quand on est à la jet set, on peut faire des super cascades quoi. Moi j'en ai fait plein en trottinette, skateboard, snakeboard. Quelqu'un de la jet set parce que Si je suis pas de la jet set, je sais pas d'où je suis alors. Tu vois, t'as bien vu toutes les cascades tout au long des films et des pièces de théâtre que j'ai fait. J'ai fait plein des cascades. Ouais. J'ai acheté deux chiens, j'ai une femme blonde, je la cascade un peu de temps en temps, tu vois. La Pousseau. La Pousseau. La Pousseau. Ouais, c'est moi. Quand t'es dans la jet set, tu fais pas de cascades. C'est interdit. T'as des cascadeurs qui le font à ta place. Et t'as un téléphone pourri. Ouais, je sais. C'est comme ta coupe. Un Nokia 9210, tout pourri, laisse tomber. Enfin bon. Elle s'appelle demain. Cachi là-haut. C'est quoi là ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui s'amuse à parler là, puis il dit je t'appelle demain et tout ça là, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Je t'ai un peu répondu, mais bon, moi j'ai fait quelques cascades, je me suis fait avec une pétasse devant un feu rouge, tout ça. D'accord. Ah ouais? Sinon, voilà quoi. Ouais, Manu, on accueille Élie Médéros, bonsoir. Ouais, salut. Salut. Salut Gérard, salut tout le monde. Salut tout. T'appelles d'où? J'appelle de Marseille. Vacances? 92.3. Eh putain, mais donnez les T'es curieux toi quand même. Attends, donnez les fréquences quand je vous le demande. Tu me demandes. J'appelle pas d'une fréquence, j'appelle d'une ville. Ouais, mais quand je vous demande de vous appeler d'où, vous me donnez tout de suite la fréquence, ça va plus vite. Ah d'accord. Ah oui. J'ai une petite question pour toi. Qui? C'est la Pousseau. Est-ce qu'on peut devenir milliardaire à la naissance? Toi, tu commences à foutre ta merde, et je te dis au revoir. Pourquoi? On peut devenir milliardaire. Non, mais ça, la question, c'est moi qui les pose, c'est pas lui. Alors, Manu, tu lui dis au revoir à la Pousseau. D'accord. Voilà. Qui est le mec? Alors, Élie Médéros. Oui, donc c'était la question sur les cascades. Voilà. Tout à fait. C'est interdit dans les contrats de faire des cascades. T'arrêtes avec ton téléphone. C'est pas moi, hein. C'est qui s'amuse avec son téléphone? Je crois que ça se touche. Ouais, mais ça doit être à nous, Anne Roumanoff. Ah bah ouais, c'est une salope. Bon, allez, tu lui dis au revoir. À qui, là? Je dis Anne Roumanoff. Anne, enlève ton combiné de ta... Au revoir, Anne Roumanoff. Ouais, je vais gérer au standard. Tu lui dis au revoir. Manu. Vas-y. C'est pénible ce petit bruit quand même. Ça commence à bien désagréable. Tu dis au revoir à Manu Roumarov et c'est terminé pour elle. Bah, laisse-la finir, laisse-la finir. Bah alors, qui c'est qu'on a? C'est terminé au standard. Qui c'est qu'on récupère? Bah, on a Bebel et puis Elimir Deros, hein, c'est bah, pas mal, je pense. Bah, tu me récupères d'autres personnes, hein, on va continuer. Hein. Bah, j'ai l'impression que ça s'endort. On va attendre un peu et puis on va continuer le débat. Combien qu'on est sur l'IRC quand même avant? Alors ça monte toujours, on est 9800. On était à 900, ah, on était à 900, en fait. Oui, excusez-moi. 9800? J'ai zappé. 9812. Voilà. Armistice. 812? Ouais. Bah on fera pas les 10 minutes. Mais si, il reste une demi-heure. Genre, faut parler de cul. Ouais, non, mais ça. Non, mais, et oui, est-ce qu'il y a de la est-ce qu'il y a du cul dans un jet set? Voilà, ça c'est Peut-on devenir millionnaire à la naissance? La question que Lapousseau voulait poser, qu'il n'avait pas à poser. C'est moi qui pose des questions, c'est pas lui. On va demander à Elimi Deros. Oui, on peut tout à fait, mais bon, faut avoir des parents, quoi. Mmh. Ouais, mais. Bah oui, mais de toute manière, situation. Bebel. Ouais. Ouais, si ça te dérange pas, tu peux quand même. Bah, moi j'attends que. Non mais tu peux quand même participer. Ah bon, un okay, peu. D'accord. Alors bah écoute, moi je répondrai bien sûr. Il y a du cul dans la jet set. Non mais comme partout. T'es bouché ou quoi? Dans des breaks. Non, je suis pas bouché. Je viens de te dire, peut-on devenir millionnaire à la naissance? Le truc, j'ai entendu. Non mais c'est pas Pildar qui commente, c'est moi. Vous avez la même voix aussi. Alors faut qu'il. C'est moi qui commente. Peut-on devenir millionnaire à la naissance? Sur un autre ton, parce que j'ai tourné avec Delon dans Borsalino. Faut pas que tu l'oublies, ça, petit. Moi, je te demande de répondre à la question, sinon je te vire. Bon ben. Alors, écoute, à la naissance, bon, bien sûr qu'on peut devenir, on peut naître milliardaire, c'est clair. Mais ça, de toute manière, comme le disait Elimi Deros. Il suffit qu'à la conception, tu vois, le père, il est, on lui échange les boules, on lui greffe des boules de loto, paf, t'es milliardaire quand tu nais. N'importe quoi. Si t'es milliardaire. J'ai fait peur sur la ville aussi. Pourquoi pas l'As des As aussi, non? Bah, okay. Non, c'est pourri ça. Non, c'est pourri. C'est pas très bien, c'est vrai. Ouais, Manu. Bonsoir. On va accueillir Bourgeman de Bourges et on va accueillir aussi Pompougnac. Bonsoir. Salut Bourgeman. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde, enchanté. Fréquence de Bourges. Bonsoir. Fréquence de Bourges. Ah, excusez-moi, la fréquence de la radio. Écoutez, ici nous captons la radio sur 103.2. 103.2, exactement, oui, 2 FM. Et qui c'est? Manu, qui c'est après? Pompougnac. Pompougnac. J'appelle des Alpes. La fréquence. Putain, mais ils sont cons ceux-là. 102.5. Bon, d'accord, c'est Gérard. Monsieur Gérard. Attends, il y a l'auditeur. Monsieur Bourgeman, je voulais vous dire, vous entendez très bien au téléphone, hein. Il n'est pas nécessaire de crier, hein. C'est parfait, on vous entend très très bien. J'en ai rien à foutre, merci. D'accord, très bien. Rigo. Oui, une petite question de Destroy qui te concerne. Il voulait savoir si deux parents clochards peuvent avoir des enfants millionnaires. Bonne question. Alors, je répondrai pas à cette question parce que ça regarde pas ma vie privée ne les regarde pas. Ma vie privée ne les regarde pas. Ils sont concernés des parents de clochards. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que je fais, c'est tout. Donc, Bourgeman. Je suis là, oui, je vous écoute. Répondez. Réponds. Quel clochard. Est-ce que vous pouvez répéter la question parce qu'il y a tout ce bruit. Peut-on devenir milliardaire à la naissance? Écoutez, c'est-à-dire que moi je pense que tout à fait on peut devenir milliardaire à la naissance. Moi c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que nous sommes d'une famille très aisée. Nous avions des propriétés et des fonds financiers bien placés bien avant du temps de mon arrière-grand-père, Léopold. Et nous avons donc effectivement été toujours connus une vie aisée, très aisée. Hey, Bourgeman. Jamais je n'ai pu connaître. Ah, Bourgeman. Bourgeman. Oui. Bourgeman, tu peux. Oui. T'es dans la jet set, toi, ou pas? Oui, tout à fait. Nous faisons partie d'une communauté qui s'appelle. Pompougnac. Bah attends, attends, tu fermes ta gueule, c'est moi qui commande, je pose la question, tu fermes ta gueule, t'as pas demandé. Toi-même, Bourgeman, au revoir. Mais non, c'est pas Bourgeman. Terminé, hop, Bourgeman, au revoir. Non, mais Bourgeman, garde Bourgeman. Non, non, c'est pas Bourgeman, au revoir. C'est pas lui, Gérard. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir, c'est moi qui commande. Écoutez, on dirait un peu qu'ici, c'est les enfants de la DAS qui ont l'air décidé de commander. Alors là, oui. Là, maintenant, je peux. Au revoir. Voilà. Voilà, comme ça. Au revoir. On parle pas de la DAS. On va faire un débat parallèle. Pompougnac. Ouais. Je suis là. Ben, tu réponds. La question, je l'ai au fond très bien compris. Retournant en fait. Non, non, je répète pas les questions. Alors, je répète pas la question. J'ai dit 4. Je ne pose pas la question. Bon, putain, mais c'est grave. Tu réponds à la question, je te dis au revoir. Oh, ben je te sais, moi je conseille d'admission. Milliardaire à la naissance, espèce de connard. C'est français ça? Mais tu arrêtes. C'est pas la peine d'en profiter que Max est malade qui est parti se coucher, d'accord? Qu'est-ce qu'il a, le petit beau-père? Ouais, ouais, il est malade, il est parti, là. Je le sais. Qu'est-ce qu'il y a? Il a Compugnac, tu réponds à la question, s'il te plaît. Il a de la fièvre, un bon vol. Compugnac, tu réponds à la question, troisième fois. Alors, on se dirait que le milliardaire à la naissance, c'est possible. Ou il faut pas en abuser. Ma Pomponiac, tu vas aller abuser de ta connerie dans ton lit, au revoir. J'ai pas dit de connerie. Ouais, bah moi je te dis au revoir. Sûr comme quoi, reste avec toi. Allez, au revoir. Bonne nuit. Ah, il était beau le petit. Ah, il était beau ton petit là, oh là là. Bon, alors. Il m'a fait un chit de fou. Ouais. Donc, 15e question, non. Bon, on va poser une question, on va mettre un Scully. Ouais, il tire la main. Ouais, si tu veux. Tu m'envoies la pochette, la... Quoi, la Zikmu. La Zikmu. Yo. Comment tu parles, t'es un rappeur, toi. La Zikmu. Attention. C'est quoi la question, répète-la. Bah attends, pour l'instant, tu fermes ta teubie. Tu fermes ta teubie. Ah, tu fermes ta gueule-ta, ça voudra dire. Ta gueule-ta. Encore un peu, je te passe pas de disque, hein. Parce que c'est trop bon, là. Ah, ferme ta gueule-ta. Ferme-la. Bon, gros, pas bon, gros, là, tu me donnes l'affiche. Eh, ce soir, 10 ans, là, tu as une pépite avec ta Toby? Ma 10 ans à me prendre une Toby, on va voir. 10 ans lico, là. Je sais pas si elle me faire une Toby, de toute manière, je l'embrasse, ma. Ça se gros, la te pue? Ma 10 ans. 10 ans, je t'aime. 10 ans, Loki. La vilaine babysitter. 110 kilos, ça fait la gueule. La belle poule, là, qui. La vilaine babysitter. En France avec Fais-moi du France. Ça. Attends, on continue le verlan, moi je kiffe. Hey, 10 ans, elle se fait des pupilles ou pas? La teupu qui est dans le 10ème cadre, là, encadré. Ta gueule. Tu veux des lancas là? Ta gueule-ta. La vilaine babysitter à Frange avec Fais-moi du rodéo, mon pur sang et 10 kilos. Et la question c'est. Un milliardaire et une personne de la jet set ont-ils le droit de mixer? On se retrouve tout de suite après. C'est pourri. Non, n'écoutez pas ces débats. Partez. Enfuyez-vous loin. N'oubliez pas que. L'émission sponsorisée par Chocopic. Les débats Girard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Les Camions Balbo. Et voilà, vous venez d'écouter la vilaine babysitter à Prange avec Fais-moi du rodéo, mon pur sang et 10 kilos. Il y a aussi Fais-moi du couscous chéri. Ouais, c'est ça. Octobre. Et donc, pour ça, on va accueillir donc Eddie Medeiros qu'on a toujours. Eddie. Bonsoir. Bébelle. Non, il est parti, Bébelle, oh là là, il est parti. Pourquoi? Bah, parce qu'il en avait marre de toi. Non, il y a la suite d'une chance sur deux, là. Et donc, on accueille Maïtenia. Ouais. Maïtenia. Maïtenia, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Montauban 116.6. Salut Maïtenia. Voilà. Et on accueille aussi, on accueille. Bonsoir, on accueille. Bonsoir. On accueille. Bonsoir, on accueille. Bonsoir, on accueille. T'appelles d'où? J'appelle de Jean-Paul. T'appelles d'où? De Jean-Paul. La fréquence? 92.4. Salut Blondin. Ça me paraît bizarre cette fréquence. Ouais. Ouais, mais elle est toute nouvelle, hein. C'est une nouvelle fréquence. Ouais, c'est ça. C'est la fréquence Jean-Paul. T'es nouveau dans le pays? Tout à fait. Bon. La question, parce que je m'éternise un peu, parce que sinon on va finir bien avant. T'éternises, hein. Alors, la question c'était. Toi, tu creuses. Un milliardaire est une personne de la jet set a-t-il le droit de mixer? Ah non, ça c'est pas possible. On accueille. Justement, ça veut dire quoi mixer, Gérard? Dans quel sens? Parce que mixer des cocktails de. Non, mixer comme Max fait à la loco. Voilà. Comme Rigo, il paye. Ah ouais, passer des DAT. Voilà. Non, c'est pas des DAT. N'importe quoi, lui. Là, t'es en train de. Attends, Max, il passe les DAT de Jean-Marie, tu le savais pas? Non. Tu dis ça parce qu'il est malade. Je dis pas ça parce qu'il est malade, c'est tout. J'ai déjà mixé contre le storm. On est combien sur l'IRC? On est 9940. Ça monte. Encore 160 personnes. T'as quoi, t'as combien t'as dit? Encore 60. Gérard, t'as quoi dans la bouche? Un chewing-gum. Bah fais attention à tes chiffres quand même. Ouais, c'est connu. Gérard, quand tu suis, enlève le chewing-gum. Ta gueule, on accueille Kaira, bonsoir. Salut Kaira. Bonsoir Kai. Salut Kaira. Bonsoir tout le monde, ça va? Salut Tantou. Wesh wesh la pêche, pépère. T'appelles d'où? Ouais, j'appelle de, du 9-3 à Saint-Denis. Non, c'est... ouais, d'accord, c'est 1.9. On te faut qu'il faut... Quartier de la Casse. Ouais. Bon, Montagnard, sur l'IRC, il y a un certain Manu, toujours lui. Il voulait que tu lui donnes des conseils pour mixer, pour rentrer dans la jet set. Oh là, tu peux lui donner des conseils de mix un peu? Pour mixer, il s'adresse à toi. Tu sais donner des conseils, c'est à toi qui s'adresse. C'est, bah, c'est toi qui mène le débat. Donc bah ouais, mais c'est à toi qui. Moi, je peux lui donner des conseils s'il veut. Bah, vas-y. C'est vrai, Fildar et Mix, on l'a vu une fois. Ouais, vas-y. Une fois que je me dis non, c'est pas ton débat. Ouais, bah vas-y, alors comme t'as une grande gueule, bah dis. Non, mais le conseil, vas-y, fonce. Bah, d'accord. Non, mais je pense que tu pourrais faire une démo. Ah ouais, bah ouais, une petite démo non, là. Non, c'est pas le thème du débat. Bon, non, alors mais ça peut être drôle. Vas-y, fonce. Bon, ça va, attends, Matenia. Bon. T'as coulé deux boîtes déjà. Matenia. Moi, je pense que le mix. Teniama là, tu réponds? Ouais, je pense que le mix. Oh, ta gueule, t'as, toi. Hein. La tienne, toi, que Narcon. Bon, ta gueule à toi. Allez, sérieux, sérieux. Ouais. Bon, Matenia. Ouais, le mix, moi je dis ouais, effectivement. Et parle du port devant ton combiné, on n'entend rien. Ça peut être un truc bien pour les gens de la jet set. Je pense que c'est quand même une bonne manière d'amasser de la caillasse. Hein. Mmh. Tu ne peux pas dire le contraire. Moi aussi, j'ai des DAT pour Max, s'il veut, pour la loco. D'accord. Gérard, excuse-moi. J'ai du bon son, j'ai du matos. Ouais, c'est ça. Alors, excuse-moi, Gérard, depuis tout à l'heure, en fait, on fait un débat sur la jet set et je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Non, mais ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que font les gens là-bas? C'est quoi, c'est un... Qu'est-ce qu'ils font là-bas, quoi? Ils s'amusent, ils j'en sais rien, personne n'a vu le film. Non, mais je te parle pas du film, je te parle de la vraie vie, ça existe, la jet set. Bah, j'en sais rien si ça existe. Mais moi, je te dis que ça existe. Eh ben, dans ce cas-là. Mais tu fais un débat sur un truc dont tu sais rien. Bah, ouais, c'est pas moi qui a voulu le faire, hein, puis c'est tout. Élie Médéros. Oui, Gérard. Donc, pour toi, c'est quoi la jet set? Oh, tu me casses les couilles avec ça. Élie Médéros, ouais. Bah, je sais pas, à moins qu'il y ait une boîte qui s'appelle jet set. Je peux mixer dedans, mais voilà quoi, c'est tout. Ouais, ok. Mais Caléria. Je suis comme c'est pas Caléria, Lascar. C'est Kaira. Kaira, je suis Kaira, moi. Qu'est-ce que t'as l'envers? Disons que moi je peux mixer. Enfin, les mecs de la jet set, ils peuvent mixer, mais si c'est du hip-hop, c'est tout. Ouais. À propos, je pourrais pas avoir un CD du Sankai? Non, il y en a pas de CD à gagner lors des débats. Ouais, et toi, GG, est-ce que t'es dans la mixette, toi, ou pas? Non, pas du tout. Ouais, ils sont vieux postes. Non. Moi, question mixage, j'y connais que dalle. Lui, il a son verre de coca, il picole pas. Alors, la question qui est super. Il picole plus. Celle-là, plutôt. Celle-là va être bien parce que celle-là, comme tu voulais parler de cube, on va en parler un petit peu. Ah, bah voilà, la jet set dans le curbus, c'est chaud. Quelqu'un alors. De la jet set est milliardaire, ça, on l'a trouvé quand même, elle nous a aidé. Anka, elle hallucine depuis 2h30. Quelqu'un de la jet set est milliardaire, a-t-il le droit de se prostituer? On va demander à Caléria. Tu sais bien de quoi tu parles, Caléria. Bien, ah, la pute. Caléria. C'est son nom de famille, la pute. Hein. C'est pas Caléria. Caléria. C'est Kaira. Kaira, ouais. Kaira. Pardon aussi. Disons que, ouais, peut se prostituer absolument. En outre, j'estime que tout individu a droit à sa part de partage. Nonobstant. Oui ou pas? Nonobstant. Mm-hmm. A fortiori, si tu vends du popo. D'accord. Élie Médéros. Oui, Gérard. Moi, je le déconseille fortement parce qu'après, t'as ta photo dans voilà, enfin, voici, tu vois, et puis... Non, ça fait un mauvais genre, quoi. Ou alors, faut te faire payer très cher, mais, ouais. Mais bon, par des mecs qui ont des grosses bites. D'accord. On accueille... ouais. Écoute, j'ai pas très bien entendu ta question en fait. Ah non mais là je répète plus les questions. C'est bon, non, on est passé à la prochaine en fait. Non, je répète plus les questions maintenant. Ok, c'est quelqu'un de la jet set a le droit de se prostituer. Voilà. Bah alors tu vois, t'as très bien compris la ouais, question. Non, c'est parce que j'ai même pas répondu à l'autre, tu m'as zappé comme ça, bon c'est pas grave. Quoi? Bah, écoute, non. Hey, t'as répondu à la question 15, okay. Je suis désolé. Okay. À la 16, t'as répondu, hein. Je suis désolé, c'était toi le premier à répondre. D'accord. Donc, Ok. Très bien. Alors, Alors, bah non, on ne se prostitue pas quand on est dans la jet set, Gérard. C'est seulement la samedi, hein. On fait pas la pute, hein. Alors, allez, mais des grosses. Mais des grosses. Là, c'est toi qui t'amuses, là, encore. Non, non. Si. Éliminer des grosses. Oui. Des grosses. Au revoir. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, t'as qu'à demander à Sandy. Eh ben, Sandy, elle te merde, elle se dit au revoir. Dans le 15. Voilà. Hop, tu lui dis au revoir, elle est certaine. Bon, t'arrêtes un peu là! Reviens. Ah, ça a remonté, ouais. Ouais, non, mais n'en profite pas parce que Max est parti maintenant, hein. Mais non! Alors, Maïtenia! Non, Maïtenia, s'il te plaît. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont réussi à rentrer dans la jet set carrément en faisant du cul. Moi, et ça, je le sais, personne me fera changer d'avis, j'en suis convaincu. Ok, Non, mais attends, bah, tu vas pas dire le contraire. Reconnais qu'il y a des gens, ils sont rentrés dans le cul, et après, ils sont rentrés grâce à ça dans la jet set. Ouais, qui? Bah, on va pas donner de nom, sinon si je donne des noms, tu vas me virer. Non, c'est clair. Bruno Sodo, des mecs comme ça. Ouais, il y a des gars, ouais, voilà, franchement, chaud, quoi. Mm-hmm. Reconnais, mais regarde maintenant, il y a les outdoors. Les outdoors, quand tu es les outdoors, c'est une star. Dans le micro, est vite fait. Quoi? Et t'as non, mais les outdoors, ça a été longtemps politisé. Il va te planter. C'est simple. C'est la fête. Depuis minuit. C'est la fête, hein. Débouche le champ, après. Après, c'est fini pour toi. Bah, comme il n'y a plus de sondage, j'ai un petit sondage de Noix de Coco sur l'IRC. Alors, d'après un sondage réalisé par Noix de Coco. Est-ce que c'est un bon sondage? Ça va, c'est pas mal. D'après un sondage réalisé par Noix de Coco pour le magazine Les Jet Setters du Foyer, à la question, qui n'est pas admis dans la Jet Set? 56% des sondés ont répondu les ex de Christine. 31% ont répondu les grosses truies à tresse. 19% ont répondu les proches de Gérard C. Et 99% ont répondu le cuistot du foyer Sona Quattro. Eh ben, ça, c'est une quatre motrices. Son sondage, il se le carre dans le cul, puis lui, c'est un enculé, c'est tout. Mmh. Voilà, donc 18e, parce qu'après, il reste plus que deux questions. T'as pas répondu, toi, Gérard, t'as pas répondu à la question. Manu, ouais. Oh là, oui. Je ne parle plus. À la place d'Élimée des Roses, on accueille. Ouais, on accueille Anne Séclair. Moi, j'ai une petite question. Oui, oui. Non. Allô. Copine. Anne Séclair, je sais pas, j'ai pas rien faire. T'appelles d'où? Oui, on est d'accord. Oui. T'appelles d'où? Allô? Allô? T'appelles d'où? Oui, excuse-moi, bah, j'appelle de Bordeaux, 94.5. Donc, t'as entendu la question? Si on doit. C'est une affaire de prostituée, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu suces? Enfin, moi, je suis contre, hein, personnellement. Ouais, mais les de Alaska, vous vous calmez ou je vous vire? Voilà, okay, c'est chaud. Donc les quoi? Marie. Oui, non, bah, je te disais, moi je trouve ça un peu mauvais pour les stars, les mecs de la jet set et tout, c'est chaud, quoi. Mmh. Ouais, okay. Vaut mieux éviter, quoi. D'accord, ouais, Rigo. Oui, une bonne question d'Azatot. Ah, excuse-moi, est-ce que c'est une bonne question? Je t'affirme, c'est une bonne question. Il voulait savoir à quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un de la Jet Set et quelqu'un qui n'est pas de la Jet Set? Comment on les reconnaît? Putain, mais ils me cassent les couilles avec leurs questions de merde. J'ai petits conseils pour rentrer dedans si on ne l'est pas. Voilà, ouais, ça, je répondrai pas. C'est un milieu quand même très fermé. Peut-on croiser un milliardaire et une personne de la Jet Set? T'as pas répondu à ma question, Gérard. Non, mais je répondrai pas, de manière, c'est des questions pourries. Mais non, comment on les reconnaît, moi? C'est une question qui m'intéresse. Ah. Tu peux pas les reconnaître, alors? Mais pourquoi on peut pas? Les envahisseurs, c'est pareil. Ils en savent rien, pourquoi tu les reconnais pas, c'est tout. Ah, d'accord. Bon, plus tard, tu arrêtes avec la musique, là, tu m'énerves. C'est ce que je viens de te dire. Tu arrêtes ou j'arrête le débat tout de suite? Bon, bah, c'est bien, on fait la dernière question, après j'arrête. Ça sera terminé. Donc 18e et dernière question, peut-on croiser un milliardaire et une personne de la Jet Set dans une grande surface? Tu satures. Tu satures, Gérard, fais attention quand tu parles. Fais attention. Bon, terminé, le débat est clos. Faut parler doucement, Gérard. C'est bon, il est parti. Et clos, ça se dit pas en Vernon. Donc plus tard, demain j'appelle Max. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Je suis viré? Ouais. Oh là, c'est con. Gérard, ça pue. Soit tu pars en cure. Je peux partir avec toi alors en vacances? Non, attends, dans les Alpes, tu pars avec Annette. Peut-on croiser une personne de la Jet Set dans une grande surface? Un milliardaire et une personne de la Jet Set dans une grande surface, ça sera la dernière question pour toi. Non, mais non. T'as fait des conneries, c'est terminé. Je suis désolé, je déconne. C'est terminé. Je déconne. Je veux pas le savoir. Moi, je viens de juste arriver. 9982. On va peut-être. Il faut rassurer là. 982. Bon, Anne, c'est clair. Un peu de surf, là. Anne, c'est clair. Oui, oui, Eh hey, putain, mais tu me laisses les auditeurs, toi. Ah, t'as vu le son qu'on a? Tu nous laisses bosser, là, un peu. Ouais, mais de toute manière, c'est vrai que depuis ce soir, le son est pourri. Ouais, ouais. Dis-moi, Gérard, t'es dans la jet set, toi, ou pas? Non, bah, pour l'instant, je vais poser la question, je demande à Anne Sécler de répondre. Bon, écoute, et Sandy, t'es pas dans la jet set? Ta gueule, tu dégages, on accueille, au revoir. Allez. Attends, j'ai pas mis au revoir. Hein. Ouais, bah, tu lui dis au revoir, c'est tout. Comme ça, il aura tout de suite compris. Hein, on accueille. On accueille qui? On accueille, tu lui dis bonne nuit et c'est tout. Comme ça, ça va aller vite. Okay. Bon, Anne, c'est clair, ça. Oui, tu lui dis bonne nuit, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en train de te dire, à mon avis, on peut pas croiser de mecs de la Jet Set dans les supermarchés parce qu'ils font pas leurs courses eux-mêmes, quoi. Comme on parlait tout à l'heure des femmes de ménage, là, ils ont, à mon avis, des gens qui vont faire leurs courses à leur place. De toute manière, c'est la femme de ménage qui va leur faire leurs courses, à mon avis. Voilà, exactement. Ouais. Gérard, est-ce que les mecs de la Jet Set, ils mettent 10 francs dans le caddie ou c'est gratos pour eux? Bah non, de toute manière, ça dépend ce qu'ils ont à prendre. Ouais. À prendre quoi? Comme course. S'ils prennent beaucoup de courses, ils prennent un caddie. Bah oui. De toute manière, mais maintenant, c'est les pièces de 10 francs, maintenant, dans les caddies, ça va se faire de moins en moins parce que c'est des jetons maintenant qu'on a. Ouais, ouais. Puis ils ont un caddie à eux, ils n'ont pas besoin de le louer. Ouais, mais ça dépend. Bon, c'est. Quand c'est de la jet set, t'as de la thune, donc t'as ton propre caddie. Ouais, Manu. Oui, on va accueillir un nouvel auditeur. On accueille. Tu lui dis bonne nuit, bonsoir, on accueille. Bonsoir. Bonsoir. Tu lui dis. Bonsoir. Tu lui dis bonne nuit. Bonsoir. Bon, alors Manu. Oui. Bonsoir. Manu. Ouais. Tu lui dis bonne nuit. Bonsoir. On accueille. Bonsoir. Ouais, ben moi je te dis au revoir parce que t'es encore le même auditeur que tout à l'heure. Ce coup-là, tu dégages complètement. Ah non, c'est faux. C'est faux. C'est trop compliqué. Tu peux lui dire complètement. C'est pas la peine. Hop. Ok. Tu reprends quelqu'un d'autre de nouveau et c'est cool. Quelle est Néa là? Maïtena. Non, c'est Kalenia. Kaira. Les stars, tu vas pas les rencontrer comme ça dans au magasin. Donc, Leader Price, Franprix, c'est pas réputé pour. T'es prié de pas donner de nom de magasin à l'antenne. Excuse-moi, je dirais que les petits magasins comme ça, là, tu vois pas de stars, hein, style. Tu peux en voir dans d'autres magasins, style. Mais dans les petits magasins, style, c'est pas comme ça, style. Donc t'André, t'as reconnu quoi. Et puis style, ça y est, c'est terminé maintenant. Et puis style, c'est dans la fleur. Ok, Maïtenia, s'il vous plaît. Ouais, bah écoute, ouais, je te disais tout à l'heure, à mon avis, ouais, ils ont des larbins. Ça c'est vrai, on en a parlé. Pour. Ah ouais, j'ai dit qu'ils avaient des femmes de ménage. Voilà, et... Fildar, le double sens, s'il te plaît. C'est clair. Tu m'entends? Oui. Je te jure, je te le balance dans ta gueule, là. T'as pas le droit. Tu me le payes. T'as pas le droit, t'es pas d'ici. Ouais, bah tu vas voir, espèce de gros coup. Ouais, mais bon, de l'autre côté, on choisit pas ses amis, on choisit pas sa famille. Ouais. Manu, tu fermes ta gueule un peu. Ça, mais je voulais accueillir un nouvel auditeur. Samy, on a pas d'amis et pas de famille. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. On accueille, donc tu le reprends. Couple, c'est pas la peine. Tu reprends quelqu'un d'autre, on y va. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Je prends personne et c'est terminé. Manu, ouais. Pareil, demain, tu passeras voir Max. Ok. Comme ça, vous apprendrez à faire du boulot correctement parce que vous me reprenez tous. Parce que depuis tout à l'heure, parce que c'est le nouvel auditeur. Non, depuis tout à l'heure, tu le fais exprès, c'est toujours les mêmes noms que tu prends jamais personne d'autre. Depuis tout à l'heure. Hein, c'est dégueulasse. Donc, celui-là, tu peux... Celui-là. Anka. Tu peux. C'est terminé. Tu vois, s'il prend les auditeurs. Non, mais toi... Toi, ça fait la depuis que je t'ai dit, depuis minuit, je t'ai dit de prendre des auditeurs, tu m'en as pris aucun, il y en a aucun. Mais c'est pas de ma faute, c'est Manu qui veut pas les savoir. Mes donc c'est terminé, les prochains débats, tu ne les feras pas avec ta compagnie, bah oui, c'est clair. Moi, Gérard, sur IRC, il y a Candy qui me signale qu'on est 9993, donc il faudra peut-être chauffer un peu. Allez, chauffe, putain, il en manque 18. Non, moi, j'ai bien compté. Et bon. Sinon, il y a Sniper 007, il voulait savoir si la Jet Set. Excuse-moi, est-ce que c'est une bonne question? On s'en fout! Bah non, quand même. Ah non, on s'en fout pas. On s'en fout, c'est. Non, il voulait savoir si la Jet Set, c'est une corporation mystère secrète cachée comme l'homme à la cigarette. C'est une bonne question. Je vois pas le rapport. Je vois pas du tout le rapport à ce que. À la question. C'est un peu comme une secte. Non, mais je vois pas le rapport avec la question. Non, mais Gérard, moi je t'en pose une. C'est un peu comme une secte, la Jet Set. Non. Si, pas. Il y a un gourou, tu joues. Jeu de mots. Une secte, jet secte. Non, même pas. Non, jet même set pas, et secte, pas. C'est pas du tout pareil. Non, il n'y a pas de gourou comme. Alors, c'est qui le chef de la jet set? Ah ben, c'est. Comment dire? Il n'y a pas de chef là-dedans. Mais si, c'est. Bah, si. Ils sont cultos. C'est le grand, là. Maïtenia. Clébar. Ouais, bah écoute. Ah bah non, t'as bien répondu toi à la question que tu m'as dit. Je veux dire qu'en plus, ils vont même pas dans les supermarchés. Hein. Attends, ils vont dans les magasins à eux, quoi. Il y a, je sais pas, Fauchon, tout ça, tu vois. Des trucs de Lusk, hein. Ouais, tout à fait. Et les produits de Lusk, hein, ça coûte cher. Hein. Ouais, mais de toute manière, c'est leur femme de ménage qui font les courses, comme, comme elle a dit, Anne Sinclair. Ah bah, pour remplir un caddie, quand tu remplis un caddie chez Fauché, t'en as au moins pour 3000 balles. Hein. Ouais, mais attends. Ouais, bah au minimum, hein. Ouais, mais c'est enfin, pas. Attends. Alors que toi, t'es Fauché, t'as pas de caddie. Bah ouais. Donc qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, de toute manière, on peut pas croiser des gens comme ça dans la jet set, parce que des milliardaires et des gens de la jet set dans une grande surface, comme tout le monde l'a dit, donc comme ils vont pas faire leurs courses, donc on peut pas en croiser un seul. Voilà. Donc 19e question. Gérard, si tu pouvais encourager une personne à venir se connecter, ouais, parce qu'on est 9999, donc s'il y a une personne qui pouvait se connecter, sortir les feux d'artifice. Quoi. Bah, Joui, crache sur la console. T'as raison, mais de manière, ils vont venir tout seuls, on va essayer d'en avoir un. On a une surprise sur le table, on va appeler Bibi qu'elle jouisse. On va essayer de. Jouisse. T'as quelqu'un? Non. Non, bah tant pis, on termine avec ces trois-là pour les deux derniers. Je vais avoir quelqu'un, mais je rappelle. Donc, la suivante. Quel est quelqu'un, excuse-moi, on accueille Lambert Wilkinson, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bon, encore une tantouse. Bonsoir Lambert. Dis donc, je t'en prie Gérard. Ouais. T'appelles d'où? De Nice. Bonsoir Denis. Fréquence. 108.10. Hein? 108.10. 108.1 pour 108.10, ça n'existe pas. C'est plus précis. Ouais, ça va plus vite pour moi. Bon, quelle est la différence entre un milliardaire et une personne de la jet set, Lambert? Je sais pas Gérard. Dans la merde. Moi, ce que je voudrais, c'est toi. Lambert, tu vas retourner voir Manu au standard. Non, je veux te voir toi. Gérard. Non, mais moi je te dis, tu vas au standard. Non, Gérard. Moi je te dis, tu vas au standard. Non, Gérard. Tu lui dis bonne nuit à celui-là, Lambert. Non, Gérard. Et tu lui dis au revoir, c'est tout. Non, c'est non, moi non, qui commande. Gérard, Gérard. Anne, c'est clair. Respect pour Albert Wilkinson. Anne, c'est clair. Oui, excuse-moi, oui. Alors? Oui, à mon avis, tout est lié, hein, tu vois, il y a quelque chose là derrière. Je pourrais pas te répondre à ta question parce que tu vas un peu trop loin, quoi, c'est un peu. Je n'ai cervelé. Franchement, oui, ben complètement. Là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Oui, Anne, t'es conne, mais je t'aime. Je suis trop bête pour ça, quoi. Ah oui. Ah, tu vas pas répondre? Ah ben non, j'ai pas le niveau, quoi. Je m'en fous de ce que tu racontes. Ouais, d'accord. Ben dis donc, vous foutez vraiment de la gueule des gens quand vous voulez participer au débat, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Une gazelle fougueuse. Je crois que vous avez pas envie de. Vous préférez appeler pour dire des conneries que d'appeler pour participer à des débats, hein. Ah non mais c'est ce que j'ai dit. Kaira. Ouais, disons que Gérard, là, avec tes questions, tu commences à me saouler, là. Oh, toi, tu m'excites avec ta voix. En direct. Tu commences à me saouler. Bon, bah, Kaira, au revoir, alors, si je te saoule. Au revoir. Au revoir. Et Maïté... Maïtéa, oui. Moi, je pense que c'est une question de chiffres, parce que les millionnaires, en fait, les millionnaires... Et milliardaires, hein. Ouais, non, les gars de la jet set, c'est plutôt des milliardaires, alors qu'en fait, les autres, c'est des millionnaires, tu vois. Donc, ouais, non, mais c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil, attends, il y a quand même 3-0 de différence. Ouais, mais si tu veux. Ouais, si tu veux jouer sur les 3-0 de différence. Ah on peut jouer sur les 3-0, hein, vu ton QI. Vu ton QI, on peut jouer, ouais. Ouais, ben. Ouais. 3-0. Moi, Gérard, je pensais que vu ton compte en banque, tu pourrais pas faire partie de la jet set, mais tu pourrais peut-être faire partie de la jet sex. Attends, qui c'est celui-là? C'est qui? C'est Lambert Rasoir, là. Lambert Casse-couille, là? Ouais. De Nice? Attends, tu lui parles pas comme ça, il est quand même millionnaire en roupies, GG, hein, attention. Ouais, bah lui, je crois qu'il est. Je suis milliardaire en roupies. Bon, alors, c'est... Ouais, Manu. On accueille Mangeneux, et on accueille... J'adore ce genre de petites choses. Bonsoir. Mangeneux, t'appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Chamonix. Comme par hasard. Fréquence. 112.1. Et... Ça bouge vite. Hey, Manu. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout, c'était le dernier? Bah... La dernière pour... J'adore ce genre de petites choses. Pour les 3 minutes qui restent. Bah je sais pas, ça dépend si tu l'y vires pas en 15 secondes. Non, pour les 5 minutes. Rigo, ouais. Oui, on vient de dépasser les 10 000. Ah et voilà, grâce à l'arrivée du cousin Gérard. Ah, le cousin Gérard. Grâce à cousin Gérard. Bravo Gérard, cousin. On est 10 000 ans. Je pense qu'on peut lancer le 10 000e connecté tous ensemble. Bravo Gérard, cousin. Cousin Gérard. On est 10 000 ans, il y a la grosse Christine qui est arrivée. Mange-nous. Oui Gérard, je vois que tu m'entends. Oui. Donc la question c'est quelle est la différence entre un milliardaire et une personne de la Jet Set? La différence est très subtile en fait. Parce qu'une personne de la Jet Set n'est pas forcément millionnaire. Et, milliardaire. Milliardaire, oui, évidemment. Ça, c'est la question, c'est le thème du débat, la Jet Set et les milliardaires. Ah, c'était ça? C'était ça, depuis minuit, c'est ça le débat. Ah, d'accord. Mais en fait, je te dis ça, la différence subtile, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Ça dépend de plein de trucs. D'accord. Lambert? Ben moi, je voulais savoir si tes amis... Le Larsen! T'es dans un teubu ou pas là? Tu te crois où là, Lambert? C'est pire que le Verlan. Hein. Tout est inversé. Oh, tu te crois où, Lambert? Bon, Lambert, au revoir. Au revoir. Hop, Manu. Au revoir, Lambert. J'ai rien fait, Gérard. Alors, tu réponds. Oh! Je crois qu'il a rien fait. Non, ouais, mais Manu. Oui. T'éteindrais ton micro, tu me ferais pas de Larsen, s'il te plaît. Ah, pardon. Parce que c'est toi qui faisais du Larsen. Alors, Lambert. Moi, je voulais savoir, Gérard, si au milieu de tes amis clochards, si tu avais des amis clochards, ils considéraient que tu faisais partie de la Jet Set. Hey, Lambert, espèce de gros PD, tu dégages. Tu parles de la Jet Set de Roumain. Enfin... Allez, Manu, là où. Michel. Hop, au revoir à Lambert. Je suis un fond. Pourquoi? Parce que nous, quand t'as ramené. J'ai bien chaud pour le standard demain. Tu vois, moi, je me souviens que t'avais un pote clochard, justement, donc c'était pas très con ce qu'il disait. Ouais, bah tu lui dis au revoir et c'est tout. Si ce pote-là, il pensait que tu faisais partie de la Jet Set puisque tu parles dans un micro. À sous les ponts, ouais. Tu dégages, Lambert. Non, je dégage pas. Tu dégages. Non, je dégage pas. C'est moi qui commande, tu dégages. Mais moi, je fais partie de la Jet Set. Bah moi, tu fais partie de la bande des travaux, alors tu dégages. Il est pas beau, votre monde. Gérard. Alors tu dégages. C'est pourri. Tu dégages. Manu, tu lui dis au revoir, terminé pour lui. Ah, parce que surtout qu'on va faire la conclusion, alors. Ah, bah oui, alors. Sur, Ah, merde. Non, mais j'adore ce genre de petites choses qu'elle a. Non, mais mange-le, ça y est, là, déjà. Non, mais tu écoute, c'est son nom, j'adore ce genre de petites choses. C'est un auditeur qui s'appelle J'adore ce genre de petites choses. Ouais. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. T'appelles d'où, petite chose? Non, tu dis mon nom. Ouais, mais je t'appelle comme je veux, mais tu me caches pas les murs. J'adore ce genre de petites choses. Genre, tu me fais chier avec tes noms bidons, alors je lui dirai comme je veux. T'appelles d'où? J'appelle de Montmorency. 101.9. Exactement. Attention. Gérard, sur IRC, on est 10002 depuis l'arrivée d'une certaine Roselyne. Mm-hmm. Et il y a Candy sur IRC qui voulait savoir si on peut refuser d'être dans la Jet Set quand on est milliardaire. Bon, on peut, si les milliardaires, ils peuvent refuser d'être dans la Jet Set, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, donc on va faire conclusion du débat. Ok, super. J'ai rien appris, moi. T'as rien appris parce que t'avais qu'à pas faire le compte. Mais franchement, j'ai voulu m'intéresser au débat. On a posé des bonnes questions. Non, mais t'avais qu'à. Et t'as tout capoté, mon con. Ouais, non, moi, mais toutes les questions que j'ai posées, t'as dit que c'était de la merde et ça m'a vexé. Hein. Non, c'est moi, pas je viens exprès pour le débat. De toute manière, on a atteint les 10 000, donc c'est ce qui passe. Ah, c'est principal. Hein. Okay, non, mais même, bravo, la mentalité. Manière, ce que je peux dire. 10 000, 3, manière, ce que je peux dire, et ça, Max, s'il écoute, il peut écouter, il entendra très bien ce que je dis. Donc, les 10 000 ont été dépassés. Le débat, Fildar, t'as fait presque 3 heures de débat, tu ta merde, comme tous les débats que tu fais. Manu, ça a été pareil, tu m'as pris des auditeurs, tu les as rechangés. Donc, j'en parle pas, donc c'est pareil. Au standard, ça a été de la merde. Alors, Antoine, NK, c'est même pas la peine d'en parler. Tu m'as pris un auditeur, on avait dit, dès d'entrée, quand j'ai pris la place de Max, quand j'ai annoncé le débat. Donc, on a dit, pas de portable. La première chose que tu m'as fait, tu m'as mis un auditeur, il avait un portable, on l'a gerbé. Donc, tu savais très bien qu'il fallait pas de portable lors des débats. Donc, moi, ce que je peux te dire, Anka, c'est que tu as continué avec Max, mais moi, question de travailler le soir, lors des débats comme ça, je peux te dire que ça sera plus possible qu'on travaille comme ça. Non, je vais être obligé de me reconvertir d'aller dans la Jet Set, alors. Tu seras... Faut que tu donnes des trucs avant, alors. Non, mais tu vas te reconvertir, comme tu prends la place de Fildar, comme Fildar, il va nous quitter à la rentrée. Donc, tu vas continuer avec l'équipe, et moi, le jeudi, je te veux pas au standard, c'est tout. C'est simple, c'est ce que j'avais à te dire. Maintenant, Max, il sait, on avait essayé lors de la nuit marathon, ça a été pareil. Donc, moi, je peux te dire que pour la rentrée, si on continue les débats, ça sera pas la peine de venir. Voilà. Ouais, mais ça, c'est un peu de leur faute aussi. Hein, Non, il m'a pas laissé toucher au téléphone. Non, mais même, c'est pas la peine de dire que c'est de leur faute. Tu sais comment que ça marche, t'avais qu'à... Ouais, tu sais très bien que c'est eux. Hein. Non, mais moi, je suis... Non, mais c'est tout. Il y a encore 4 personnes, je crois, là. Non, mais si, écoute-les. Attends, je prends les conclusions. Écoute-les, vite fait. Allô, c'est parti, hein. Il y en a un qui commence. Ouais, GG, c'était Mégane. Je voulais te remercier d'avoir bousillé ma vie depuis 3 ans avec tes débats de merde. Donc j'espère que c'était vraiment le dernier, quoi. Eh ben non, justement, parce que je reviens à la rentrée, manque de peau. Quand même. Ouais, ben si ça vous plaît pas, ça. Ouais, mais bon, faut déjà que tu finisses ta cure, t'en as pour au moins 3 ans, alors. Toi, tu ferais mieux d'aller te faire sauter ailleurs, au revoir. Ah, c'est coupé, tiens. Voilà. Bien, Manu, bien coupé. Alors après. Salut Gérard, c'est Raoul, je t'aime. Bonne nuit à toi. Après. Salut Raoul. Salut Raoul. Après. Allô. Oh. Bon, après toi. Bon, GG, c'est ton pote Goldo quand même, hein. J'espère que ça va bien se passer quand même, c'était pour toi le sevrage, tout ça. Moi je te propose demain soir on passe te chercher et tu te prends la dernière biture du siècle, on t'emmène aux putes, on fait tout, la tournée des grands ducs hein, quand même, grand seigneur. Et merci, n'empêche. Jet 7, quoi, tu vois, Jet 7, merci Manu de m'avoir pris les mêmes auditeurs parce que j'avais reconnu les voix. Comme par hasard. Ça fait 3 ans. Hein. Ça fait 3 ans qu'ils étaient pas passés donc. Ouais, mais tu avais pas à les prendre. T'es trop chaud. Moi j'ai un internet, bah écoute, je suis à côté de la radio donc si je peux venir te péter le fion, ce serait bien cool. On a terminé. Et puis, l'année prochaine, arrête d'être con. Ouais, bah toi-même. Non, mais au revoir. Cool. Ok. Donc, conclusion de l'IRC. Alors, l'IRC où on a fini à 10003 grâce à l'arrivée du petit chacal. Hein. Oh, il était là aussi. Je crois que par contre, il a plus de pattes. C'est fini. Je sais pas s'il a glissé sur du verglas ou un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de conclusions. Il y a une conclusion de Stéréo. Il dit qu'avec ta jambe, tu fais plutôt partie de la Q-Jat 7 et Sandy de la Jumbo 7. Ouais, ça cartonne 7. Sandy, elle l'emmerde. Est-ce que c'est vrai que c'est elle qui a conçu le nouveau gros zinc d'Airbus là? Niveau capacité, est-ce que c'est elle qui a donné des news? Si c'est elle qui faisait l'homme, on me demandait. Ouais, ben ils vont faire enculer avec ça, ils me font chier. Voilà, conclusion de Gérard Lambert le cousin. Les télécoms sont devenus milliardaires grâce aux factures des 10 000 connectés qui ont perdu leur argent en écoutant un débat de merde. Ouais, c'est de leur faute, c'est cool. Ah, il a pas très tort. Il y a Sniper07 qui dit ouais, Gérard revient à la rentrée. T'as de l'espoir. Attends, excuse-moi, je crois que Fildar se prend pour match à Béranger. Ah. Excuse-moi. Il est 3h. C'est Grégo. Ok, Manu qu'enchaîne. GG est à la Jet 7, ce que Sandy est à la minceur. Pourquoi pas? Ouais. Fourbe qui dit que les courses de Jet 7 sont dangereuses. Il a pas tort et c'est un peu tout raide aussi. Conclusion de Yankee, c'est au nombre de ces morpions que Gérard est milliardaire. Ah là, il a pas forcément tort. Mmh. Et dernière carré, conclusion, t'as vu. Rapide. Conclusion mythique de Turpentine qui dit que ton débat nous est. Ça m'aurait étonné celle-là. Conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire? Dommage que ça s'est mal passé avec Fildar. Ça m'aurait étonné que tu me casses pas les débats. Hein. De toute manière, t'as l'habitude. Je m'en vais, c'est la dernière fois qu'on bosse ensemble, tu le sais ou pas? Bah ouais, mais tant mieux. Ça, comme ça, je serais bien tranquille à la rentrée. Par comme contre, ça. Je peux venir chez toi le week-end boire des pots. C'est ça, tiens. Bah non, tu peux plus. T'as plus le droit. Alors. Ou du coca, un peu. Alcoolisé, un truc. Donc, la draille. Bah, tu vas tourner à la tourtelle. Je sais pas qui sera à tes côtés à la rentrée. Non, moi, je suis plus là non plus à la rentrée. Attends, c'est rien. T'as un cas, Noémie. Chaud. Je te le dis, moi, je fais un autre boulot. Je bosse plus ici, moi, à la rentrée. Il me rejoint sur France Info. Bon, bah, donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, rien de spécial. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, de bonnes vacances. Et puis, d'ailleurs, tu pars où, toi? Nulle part. Tu vas où? Non, il part où? Ça regarde personne, donc j'ai dit que je le dirai pas où que je vais. Bon, c'est tout, terminé, point final à la ligne. Donc, pour ça, vous allez retrouver, c'est qui? On va mettre un disque, c'est Jay ce soir. Donc, vous allez retrouver Jay pour la nuit sans pub, et là, on se met. Titre de disque, t'es chaud, toi? Bah oui, mais. Les deux titres avant, ça te dérange pas? De quoi? On met un petit disque avant. Ah, aucun problème. Voilà pour vous. Il y a le débriefing ou pas? Non, il n'aura pas ce soir. C'est quoi d'ailleurs le titre? Tu l'as pas? Bah non, ça y est. Ah, putain. Merde. Bah alors, tu fais quoi là? Bah attends, faut le noter. T'impues parce que. Excuse-nous, Jay. Et demain, vous allez retrouver toute la Dream Tease. Non, Dream Tease, c'est nous, mon con. Vous allez retrouver Max, Manu, Fildar et Anka et Noémie. La Sleep Team. Ta gueule. Vous allez retrouver Manu, Max, Fildar et Anka et Noémie pour la libre antenne normalement. Et moi, je vous souhaite de bonnes vacances. De toute manière, je serai à l'écoute quand même pour savoir ce que vous allez dire. Ah, t'es encore un poste alors. Ta gueule, toi, derrière. S'il vous plaît, attendez, je suis un en train de mettre respect le pour texte, les gens qui vont. Tu mets ou pas ton Scud? Il est en train de dormir. Deux secondes. C'est long, hein. Ouais, mais fais ton rapport. Et vous avez des voix d'homosexuels de l'autre côté. Estelle, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Eh, tu fais ton rapport, hein, pour demain, hein. Et Gérard, t'oublie pas ta jambe. Ta gueule, toi, tu te la corroges dans le cul, ta jambe. Une gomme sur la patte, elle a un panari, ta jambe. On va vous laisser entre humoristes. Okay. C'est bon, le titre est prêt. Ah, ça y est, quand même, elle va punaise. On va vous souhaiter une bonne nuit. Et, Gérard va s'en balancer le disque. La boulette de mon papa avec 10 mois. Donne-moi 2 francs pour un babier. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Quand il lance son bic. Tais-toi, toi.